disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative. Saison numéro 7, épisode numéro 1. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email à l'adresse suivante dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum d'Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. Le forum vous permet de commenter les articles qui paraissent sur le site, vous permet aussi d'aborder différents sujets dans les différentes catégories qui s'y trouvent. Il y a un guide racial des villes, comme la plupart d'entre vous le savez, vous pouvez y contribuer, c'est assez vivant, on a pas mal de villes maintenant qui sont couvertes, bref, n'hésitez pas. Maintenant, je procède, avant de remercier nos donateurs, à la présentation des membres de la semaine. Auquel je m'empresse de présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022, vœux de prospérité, de santé, de réussite en tout domaine. Je vous souhaite le meilleur, chers amis. Et je vais commencer tout de suite avec Zyklombix. J'espère que tu vas bien, Zyklombix, autant que faire se peut. Bonne année à tous, je vais bien car effectivement je fais autant que je peux, c'est-à-dire pas grand-chose sinon digérer les repas de Noël. Donc je vous souhaite tous d'avoir eu la même quantité. Est aussi avec nous cette semaine Pierrot. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous, bonne année et Heil Hitler. Oui, il faut commencer l'année sur les chapeaux de roue, tout à fait. Et aussi avec nous cette semaine, Hopman America. Salut Hopman. Ah non, moi je suis pas Hopman America, hein, moi je suis capitaine Algérie. Hein, one, two, three, vive l'Algérie. Et j'ai un super programme pour vous les gars pour 2022. Et ça commence par, il faut tuer les blancs. Il faut tuer les blancs. Programme probablement entendu haut et fort par les personnes intéressées, hein, bien sûr. Est aussi avec nous cette semaine, comme chaque semaine, Fulbert. Salut Fulbert, mes meilleurs voeux Fulbert. Merci Gandalf, meilleurs voeux à toi et meilleurs voeux à tous ceux qui nous écoutent et aux camarades intervenants. Une bonne année 2022 national-socialiste. Tout à fait. Est aussi avec nous cette semaine Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, bonne année à tout le monde. Alors avant de commencer l'émission, je tenais quand même aussi à souhaiter une bonne année là où il se trouve à Vincent Raynoir, hein, bien sûr, à tous les camarades qui sont en difficulté à un titre ou à un autre, en leur espérant une année 2022 qui leur permette de s'en sortir par le haut. Hein. Il faut le souhaiter, il faut le vouloir, hein, et ne pas rester sur une note de pessimisme en dépit de la situation ambiante, qui n'est certes pas réjouissante, mais il faut continuer à aller de l'avant. Messieurs, avant de commencer l'émission, je tenais à remercier les donateurs. Donc, premier don, c'est Mélas Autocrator, bon, un mécène du site, 016 Monero. Voici ce qu'il nous dit. Bonne année à l'équipe et aux auditeurs. C'est tout simple, mais c'est très bien comme ça. Bonne année à toi, Bélas. Merci encore pour ton soutien depuis toutes ces années maintenant. C'est avec toi et tous ceux qui nous soutiennent. Hein. Il y a certains qui ne se signalent pas, mais comme vous le savez, on a des donateurs anonymes, mais qui sont des réguliers et qui permettent à l'émission de continuer, au site aussi d'aller de l'avant, etc. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe de DP. Cela fait bientôt 3 ans que j'écoute l'émission, toujours d'excellente qualité. Je profite d'avoir enfin un diplôme et un emploi en France, malheureusement, dit notre auditeur, pour soutenir l'effort de lutte contre ces mythes en vous envoyant quelques shekels. Pourriez-vous me confirmer la bonne réception du don, s'il vous plaît ? Et donc le don est de 0,09 monero. Encore bravo pour votre travail et de réinformation. Et c'est signé un Celte au sang pur. Alors oui, ça sera fait. Il y a d'autres personnes dont on doit confirmer les dons. On va le faire le plus vite possible. Cette semaine, normalement. Si vous n'avez pas reçu confirmation d'un don, envoyez-le nous, s'il vous plaît. Donc, on a notre ami Bricolo qui a envoyé un message pour reconfirmer. Ça sera fait. Désolé du retard. On essaye de rattraper tout ça. Alors, cette semaine, comme on sature un peu tous par rapport à la situation sanitaire, on n'en peut franchement plus. On a voulu un peu changer, comment dirais-je, les sujets de l'émission et ce dont on parle, et on a voulu basculer sur la sphère culturelle, et plus particulièrement la sphère des films, qui sont quand même des objets très marqués par leur époque en général, et qui sont aussi le reflet des messages que l'on essaye de nous faire accepter, absorber, et donc on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un regard critique sur des films. Alors évidemment, quand on veut parler des films, j'ai presque envie de vous dire, on pourrait y passer une vie entière, donc évidemment l'émission ne peut pas être exhaustive, nous n'allons pas parler de tous les films qui doivent être mentionnés, c'est pas l'envie qui nous en manque, donc on va parler de quelques films comme ça qui nous viennent à l'esprit très librement. Et puis on va pouvoir échanger les uns avec les autres. Je commencerai peut-être la discussion là-dessus. On a remarqué, enfin on voit qu'on observe une rupture depuis quelques années avec l'apparition de plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon, qui chamboule un peu le rapport de force qui existait jusqu'à présent entre la télévision ou le cinéma. Et maintenant, on a une espèce d'objet un peu hybride, donc que sont ces plateformes de streaming, dont on ne sait pas trop si c'est du cinéma ou de la télévision, même si c'est diffusé sur écran télé, bien sûr. Mais la première chose que je ferai observer, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Donc là, je décris un peu l'ambiance générale. Hein. Donc il y a les films de cinéma de la grande époque, le cinéma contemporain, il y a les séries télévisées, comme j'ai dit, et puis ces plateformes. Mais il y a quelque chose qui est très flagrant avec l'avènement des plateformes de streaming, c'est le principe des saisons. D'accord ? Donc on commence une série. Et je ne sais pas si vous le savez, bien sûr, les participants le savent, mais parmi nos auditeurs, peut-être certains ne le savent pas, mais on ne commence pas nécessairement une série en disant « voilà, la série va contenir tant de saisons et tant d'épisodes ». En général, les producteurs se mettent d'accord sur une saison, voire deux saisons, et s'il y a un succès, à ce moment-là, on envisage de la poursuivre. Et vous allez me dire pourquoi je parle de... Enfin, vous allez vous demander pourquoi j'en parle. Eh bien, c'est simple, c'est la façon dont on va construire l'histoire qui change fondamentalement. C'est-à-dire, si vous commencez à produire quelque chose, mais que vous ne savez pas quand, au moment où vous entamez l'écriture, ça va se terminer, virtuellement, vous vous retrouvez devant une feuille blanche qu'il faut remplir absolument. Et ça télescope le point que je voulais évoquer, c'est le recrutement des femmes chez les scénaristes aux États-Unis, donc pour écrire ces séries. Et vous avez dû remarquer que la différence avec le cinéma de la grande époque, c'est que les scénaristes étaient des hommes, très généralement, et les hommes cherchent à structurer une histoire. Donc il y a des niveaux de lecture, il y a un message qui va être délivré petit à petit, il y a des archétypes qui sont mobilisés, etc. Avec l'invasion des femmes scénaristes et ce format qu'est la saison virtuellement qui ne termine jamais, on n'a aucune histoire. Alors je caricature un peu, hein, mais grosso modo, on a constamment des récits psychologiques où il y a constamment des histoires entre les personnages, voyez. Typiquement un peu les feux de l'amour, voyez. Et c'est terrible parce que on a plus de profondeur dans ce qui est produit, je trouve, très souvent. Il y a pas de profondeur spirituelle quelque part, même si ça doit rester grand public. C'était quelque chose qui arrivait à faire le cinéma jadis et qui aujourd'hui, à mon avis, fait défaut. Et c'est évidemment marqué par l'invasion des femmes dans le domaine de la scénarisation, à mon sens. Voilà. Donc voilà, je voulais commencer un peu la discussion là-dessus. On n'est pas obligé de s'arrêter nécessairement là-dessus, mais je crois qu'on peut pas vraiment appréhender le caractère répétitif et vide des séries, notamment sur Netflix, si on ne saisit pas qui écrit ces séries. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je ne sais pas s'il y a une série en particulier qui retient votre attention, a retenu votre attention, soit dans ce qui se fait de pire ou dans ce qui a pu se faire de bien aussi. Hein. Moi, quand tu me parles de ça, Gandalf, ce n'est pas une série qui me vient en tête, mais c'est typiquement l'univers Star Wars, parce que j'ai grandi avec. Et tu grandis dans l'univers où, en fait, tu as les rebelles et l'Empire qui s'affrontent pour la conquête de l'Empire, de l'univers entier. Et quand t'es gamin, tu regardes ça, tu as les yeux qui brillent, quoi. Et ceux qui ont vu la dernière trilogie ont forcément été déçus parce que c'est devenu finalement une sorte de guerre-influence entre les rebelles, des histoires d'amour. Et il n'y a même plus de méchants, d'ailleurs, à la fin. Alors que ceux qui ont regardé la première trilogie, qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas, ils se rendent compte que le personnage de Dark Vador est charismatique. Et là, en fait, ils sont même plus fait chier à trouver un méchant. Ils en ont pondu un comme ça, qui d'ailleurs il a un rôle absolument minable. On sent même qu'au dernier film d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment. On se pose la question qui est vraiment le méchant tellement qu'il est effacé. Ils en ont pondu un dernier à la dernière minute et tout ça a complètement perdu son intérêt, quoi. Voilà. Vous savez, il y a trois trilogies pour Star Wars. Donc il y a les vieux qui sont plus regardables parce que faut être honnête, maintenant c'est complètement dépassé graphiquement. Même moi qui suis assez fan, je peux plus la regarder. La seconde trilogie qui joue le rôle d'intermédiaire pour expliquer finalement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé aurait pu avoir un. C'était assez ambitieux d'ailleurs, hein, mais ça s'est très mal dégoupillé. En fait, tout le monde se faisait chier parce que ça parlait de guerre d'influence de la République. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et puis la dernière trilogie où en fait on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comme tu l'as dit, finalement, le scénario, tout ça a été pondu à l'arrache, ça s'est vu. On a bien vu que dans l'avant-dernier épisode, il y a eu des directions qui ont été prises qui n'ont pas du tout été assumées dans l'épisode d'après, où en fait, on a déconstruit tout ce qui avait été fait et tu sens que ça a été fait vraiment à l'arrache, quoi, dans un élan de panique. Et par contre, la propagande qui est mise dans ces films est extrêmement forte. Extrêmement forte, on fout même des lesbiennes qui s'embrassent, histoires d'amour à la con. Oui, bah ça avait été un passage qui était censuré en Chine parce qu'on voit dans une scène des lesbiennes qui s'embrassent quand les rebelles assument leur victoire contre l'Empire. Bien sûr, le personnage principal, c'est Rey, c'est une femme qui est évidemment accompagnée d'un homme noir. En fait, moi, j'ai calé quand j'ai essayé de me. Donc, j'ai regardé évidemment la première trilogie, bien sûr. Et quand j'ai essayé de suivre avec la deuxième trilogie, entre guillemets, donc qui est censée raconter effectivement ce qui s'est passé avant, chronologiquement, avant la première trilogie qui était sortie au cinéma. Y avait notamment. Cette actrice juive là connue, Nathalie Portman. Nathalie Portman. Voilà. Donc j'ai essayé de rentrer dans le film et C'était la guerre des clones. Et je crois que c'était la guerre des clones, me semble-t-il. Épisode 2. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, de toute façon, il y avait Natalie Portman et je n'ai pas réussi à accrocher. C'est-à-dire, j'étais de bonne volonté avec le film. Alors, j'ai même essayé de faire abstraction du fait que Natalie Portman soit juive pour essayer de... Ouais, j'ai voté vraiment un bon spectateur. On se faisait chier. On s'est fait chier. Et la deuxième trilogie, c'était vraiment vide. Hein. Et il se passe rien, quoi. Ah. Alors, il y a juste de temps en temps des références démocratiques. C'est, voilà, c'est de temps en temps comme ça. Et bon, là, on est dans le... Oui, dans le... Oui, dans le serment démocratique. Voilà, ça c'est le... C'est le message le plus ambitieux de cette seconde trilogie, en gros, quoi. Sinon, l'organisation politique des rebelles, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Qui regarde Star Wars pour ça? Complètement à côté de la plaque. Moi, je serais beaucoup plus mesuré que vous. J'emploierais une formule en disant que la première trilogie pose des personnages qui sont en fait les seuls personnages marquants de l'univers Star Wars. La deuxième trilogie, donc quand je dis la deuxième par ordre chronologique, donc les épisodes 1, 2, 3, posent l'univers, parce que finalement, dans la première trilogie, l'univers est très peu développé, parce qu'on est centré sur les personnages, et c'est pour ça que la deuxième trilogie est beaucoup plus centrée sur les enjeux politiques. Quant à la troisième trilogie, bien, je me contenterai de dire qu'elle pose sa crotte. Non, mais j'ai pas de problème avec le fait de poser un contexte et tout. Simplement, bon, déjà, il y a aussi un fait, c'est que c'est Star Wars, ils savent qu'ils vont faire de l'argent. Ce qu'ils peuvent faire tenir en un film, ils vont le faire en trois. Hein, faut pas non plus se mentir, quoi. Mais ils ont sorti des films entre les épisodes, hein. Un film spécial sur Solo, etc., pour faire encore plus de pognon. Et d'ailleurs, ça a bien marché, hein. Même si les films en question une qualité finale qui est vraiment médiocre, hein, vraiment, même si je veux être très ouvert, non, c'est vraiment mauvais de chez mauvais, à part la technique est excellente. Ça a très très bien marché pour eux, ils ont fait pas mal de pognon, surtout qu'ils font du pognon avec les films, après ils font du pognon avec les figurines, tout ce que vous voulez pour les gosses, vous en faites pas pour eux. Hein. Et ça me rappelle, vous savez, ces grandes trilogies très ambitieuses, ça me rappelle le cas du Hobbit. Donc, alors, je suis évidemment, je m'appelle Gandalf, donc je suis un fan du Seigneur des Anneaux et de la trilogie de Tolkien. Et le travail de Peter Jackson sur la première trilogie, à mon avis, est, c'est extraordinaire ce qu'il a fait avec sa première trilogie. Il y a un univers, une ambiance qui est unique, qui est complètement en décalage avec tous les films qui se faisaient à l'époque et qui se font même encore maintenant. Enfin, il y a une magie dans sa trilogie à Peter Jackson. Et ensuite, il a fait Le Hobbit. Et Le Hobbit, alors là aussi, clairement, ils ont voulu faire de l'argent, c'est-à-dire qu'on a... on a fait beaucoup d'images, en fait, pour vendre, en fait. Hein, bon. Mais finalement, est-ce que le spectateur se plaint de voir plein de belles images du monde, de la Terre du Milieu, etc. Bon, je crois pas. Mais surtout, là où ça ne marche vraiment pas, et je l'ai regardé plusieurs fois, c'est que Peter Jackson, alors je ne sais pas si c'est lui qui a voulu le faire, ou je ne sais pas si on le lui a imposé, je pense que c'est un peu les deux. Je crois qu'on lui a imposé parce qu'initialement, ça devait être Del Toro qui devait s'occuper du film. D'accord. Il impose un caractère féminin dans l'histoire qui n'existe pas dans l'histoire du Hobbit de Tolkien. J'ai oublié le nom d'ailleurs de l'elfe. Hein, c'est une femme elfe. Mais alors l'actrice est nulle. Elle est nulle. C'est-à-dire que t'as les yeux qui saignent tellement tu la vois jouer. C'est absolument insupportable et ça casse toute l'histoire. Ça casse le rythme, Elle est tellement nulle qu'elle tombe amoureuse d'un nain. C'est-à-dire que c'est tellement la femelle Z rejetée par toute sa race qu'elle va chercher ailleurs de quoi se contenter. Donc c'est une parfaite parabole de la femelle dégénérée occidentale. C'est pas faux, mais ça casse absolument. Et si, et je me suis toujours dit, un jour j'aimerais bien prendre le film, voyez, et couper tous les passages où elle apparaît, en fait. C'est-à-dire de nettoyer le film de sa présence, absolument, de toutes les scènes où elle est présente, de se débarrasser de la romance, parce que ça ne sert à rien, et ça ravage le film, quoi. Et je suis convaincu qu'une fois qu'on enlève ce personnage inutile et cette actrice médiocre, et les semblants, les bouts d'histoire qu'ils ont essayé de greffer sur la trame originelle, je suis sûr qu'on aurait, en fait, un très bon film. Alors, sans être aussi bon que la première trilogie, en fait, quelque chose de très haut niveau. Et malheureusement, je dois subir ce truc-là. Bah, par ailleurs, heureusement que c'est ponctuel, mais c'est typiquement le genre de personnage qui a été mis parce que fallait mettre une femme. Moi, j'ai senti comme ça. Mais c'est insupportable parce que t'es en train d'apprécier tes chocs à pic, il y a quelqu'un qui vient pisser dedans. Écoute, j'ai le même sentiment lorsque j'ai vu le film, l'excellent film 300, où en fait, à chaque fois, ils nous mettent des petits trucs pour couper un peu l'action sur, encore une fois, le système politique de la Grèce avec la femme de Léonidas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est typiquement le personnage, tu l'enlèves, tu fais un montage, tu enlèves les bouts et tu te dis, bah, en fait, voilà, ce personnage ne sert à rien, on n'a rien perdu. Ah, là, je suis pas d'accord avec toi parce que ça explique en fait pourquoi les Spartiates. Le problème, c'est que d'un point de vue historique, les gens vont croire qu'il y a vraiment eu que 300 Spartiates et quelques Thébéiens qui sont pas les Thébéiens d'ailleurs. Je crois qu'ils étaient alliés avec les Perses. Les Thébains n'étaient pas de la partie. Voilà, les Thébains étaient, Plébéiens et Thébains, mais les Thébains étaient en face, je crois, où ils n'étaient pas avec les Spartiates. Mais bon, bref, les quelques Grecs coalisés qui sont venus, en fait, il y avait plusieurs milliers de Grecs en tout, plusieurs dizaines de milliers, dont plusieurs milliers de Hilotes aussi, qui étaient les hommes blancs esclaves en fait, enfin qui n'étaient pas des hommes libres, pas des citoyens. Mais le passage avec la femme de Léonidas, en fait, il est là pour justement expliquer pourquoi il se bat. Et voilà pourquoi il se bat et pourquoi est-ce qu'il est seul en fait. Parce que derrière, d'ailleurs, c'est écrit. Je ne sais plus si c'est dit dans le bouquin, mais quand tu vois la statue de Léonidas sur Asparte, il y a marqué sur la plaque, en français c'est quelque chose du genre « Toi qui passes par ici » ou « Toi le passant, dis aux Spartiates que ses fils sont morts ici en respectant la loi » ou « La loi Sparte enfin, ». C'est un truc dans le genre… Oui, c'est « Passant va dire à Sparte ». Passant va dire à Sparte ». Oui, mais le problème, attention, parce que l'histoire, je te redonne la parole, mais attention, parce que l'histoire du film, elle est basée sur une BD, et le film comme l'histoire ont été réalisés par des juifs, qui ont mis une dimension réellement féministe qui n'existait absolument pas à Sparte, je veux dire, c'est très éloigné de la réalité sociologique de Sparte. Pas tant que ça, parce que justement, un des problèmes qu'a connu Sparte, c'est que les femmes hérité des possessions de leur mari à leur mort, alors pas au début de Sparte, hein, mais ce qui a précipité la chute de Sparte, c'est ça, c'est que les gonzesses héritaient les biens de leur mari à leur mort, parce qu'elles étaient aussi considérées comme restées des Spartiates à part entière, en fait. Hein. Elles n'allaient pas à la guerre, mais elles avaient de droits civiques. Ce qui fait que les femmes sont devenues hyper importantes en politique, parce qu'après, les intrigants courtisaient les femmes fortunées pour pouvoir interagir sur la vie de la société, sur la vie de la cité, pardon. Donc, quelque part, le film, il exagère des choses, mais pas tant que ça. Hein. Alors, les droits politiques, elles n'avaient pas l'air d'être représentées dans les organes de la dans les assemblées politiques. Hein. Ah oui, la scène où elle s'exprime, où elle poignarde le traître devant l'assemblée est une scène surréaliste. Mais pour en revenir au que le pour partir de là, dans 300, on peut quand même trouver une justification filmique au fait que la femme sert à construire l'univers pour lequel le héros va se sacrifier, alors que dans le Hobbit, c'est juste un machin qui a même pas de nichon d'ailleurs et avec des lèvres surgonflées qui se tape un nain, quoi. Ouais, alors que dans 300, elle a quand même des nichons, il y a au moins ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Ah, c'est une bien meilleure actrice, hein. Elle est bien bonne. Oui. Léna Hédé, elle a des nichons, arrête, t'es con ou pas. C'est un autre sujet, bon, on s'égare, monsieur, on s'égare. C'est relax aujourd'hui, c'est relax. Non, mais comment dire, je comprends ce que tu veux dire, mais l'emphase qui est mise là-dessus, ça m'a, euh, ça, y a un moment qui est cringe, tu vois, c'est parce que tu vois, Leonidas est censé être le mal alpha par excellence, et il balance le nègre dans le puits, le messager. Bon, en plus, ils ont, enfin, bon, là, c'est vraiment la patte des juifs, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont présenté les Iraniens comme une espèce d'empire vaguement multiracial et négroïde, ce qui, bon, ce qui est quand même assez. Enfin, c'est franchement tiré par les cheveux, je veux dire. Mais, comment dire, donc il le fout au fond du puits parce que il a, bon, entre autres choses, manqué de respect à sa reine. Voilà. Moi, j'ai serré des dents quand j'ai vu ça, quand même. Hein. J'ai dit, ça m'a pas convaincu. White Knight, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, c'était cringe. Hein. C'était franchement cringe. Et en fait, on retrouve toujours un peu le truc, c'est-à-dire que quand il y a un film qui peut être bien fait techniquement, ou dont des éléments de l'histoire sont convaincants, où on se laisse entraîner, d'accord ? Il y a toujours, en raison de l'époque, donc là, 300, c'est un film de 2007, donc c'est un film qui a déjà pratiquement une quinzaine d'années, qui a vraiment marqué lors de sa sortie. Et qui était esthétiquement très bien réussi, hein. Il est encore très, très, très réussi. Mais, alors, évidemment, quand on n'est pas anti-féministe ou quand on n'est pas critique par rapport à ça, on avale et on ne critique pas. Et le but, alors certains ont dit que le but du réalisateur, hein, de Snyder, c'était de faire une analogie entre Sparte et Israël face à l'Iran. D'accord, qu'il y avait un message subliminal qui consistait à comparer Israël aujourd'hui avec Sparte, donc une nation de guerriers, etc. Bon, face à l'Iran menaçant, l'empire perse menaçant, quoi. Et de mettre en avant, parce qu'il y avait ça aussi, je crois, dans Sparte, c'était un petit peu de souligner le caractère démocratique des cités grecques, mais tout spécialement de Sparte, face au despotisme propre au système perse. Alors, Athènes était certainement une démocratie, mais encore, hein, si la démocratie athénienne était en vigueur aujourd'hui, elle serait universellement dépeinte par les idéologues juifs comme un État fasciste, hein, faut en avoir conscience. Mais dans le cas de Sparte, c'est franchement, ça dépend comment on le voit et ce qu'on entend par démocratie. C'est typiquement un mot piégé. C'est un travestissement historique. Tu as raison. Sparte était une monarchie avec deux rois. Deux rois. Je veux dire. Deux rois, une aristocratie guerrière. Mais surtout, ce qu'on perd de vue, surtout, c'est une population, alors entre guillemets autochtone, hein, les fameux ilotes, qui étaient des espèces d'esclaves autochtones ou des serfs, dira-t-on. Qui était la propriété de l'aristocratie spartiate, mais qui étaient des gens du cru, c'était pas des esclaves au sens où on l'entendrait aujourd'hui, c'est-à-dire des esclaves, et là on fait plutôt référence à la traite négrière, etc. Donc il n'y avait pas de dimension raciale, je veux dire, l'esclavage à cette époque-là, au sens où on l'entend aujourd'hui, je veux dire. Mais... Donc présenter la Sparte de l'époque comme une espèce de fer de lance de la démocratie face au despotisme oriental, je me suis dit c'est quand même osé, quoi. Et bon, j'ai bien vu où voulait en venir Snyder à l'époque, mais une fois qu'on dit ça, on peut de toute façon regarder le film et apprécier ce qui était apprécié, parce que par ailleurs il y a une performance des acteurs qui est quand même très réel, je veux dire, physiquement, les mecs ont été vraiment au top. Parce que faut se rendre compte de ça, hein, je veux dire, avoir un acteur physiquement au top, je veux dire, vous voyez, avec les muscles et tout, parce que c'est, enfin, je veux dire, ça nécessite un entraînement intense avec un échéancier, parce qu'il faut, quand ils font le film, il faut que la personne qui passe par l'entraînement soit au top au moment où on va tourner le film, parce qu'on ne peut pas rester au top comme ça, avec les muscles saillants et tout, pendant des mois. Hein. Mais ça, c'est pour faire pour un mec. Mais si vous devez avoir des centaines d'acteurs à l'écran qui doivent être au top, en termes d'organisation, de chorégraphie, parce que les scènes de combat sont très difficiles à filmer. Je crois que les gens ne le savent pas. Mais parce que quand on regarde un film de KPDP, donc que ce soit Sparte, parce qu'il y a des combats à l'épée, mais ça peut être pour n'importe quel film, on a l'impression en fait qu'il y a juste des gars qui se battent à l'épée et il y a juste qu'à filmer non-stop et c'est bien. Mais pas du tout. C'est un travail de fou furieux de filmer un combat à l'épée. De fou furieux. J'ai eu à le faire, donc je le sais. C'est d'une extraordinaire complexité. Vous voyez ? Et donc, quand vous connaissez ce que ça implique techniquement, c'est une vraie prouesse, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord. Enfin, par exemple, Zyklombix, il nous dit qu'il ne faut pas être trop méchant avec les films en général, parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais dans le film. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'on peut toujours se consoler, je pense, sur un film, sur la partie technique. C'est-à-dire que quand l'histoire elle nous déplaît un peu, ou qu'il y a un acteur qui ne nous convainc pas, il y a quand même d'autres aspects du film qui peuvent être retenus en sa faveur. Bon ben, 300, c'est un exemple, quoi. Même The Hobbit, par exemple. Hein. The Hobbit, j'ai pas accroché spécialement à The Hobbit. Je peux pas dire que ce soit non plus un mauvais film, parce qu'il y a une technique qui est quand même proche de la perfection. Tu te laisses quand même un peu guider par le truc, quoi. Mais tu ressors pas de la salle de cinéma en disant ouais, je viens de voir le film de l'année, quoi. Je dis bon, ok. Et le contraste avec Le Seigneur des Anneaux est fabuleux. D'ailleurs, à la limite, les scènes de combat, et notamment de combat à main nue et à l'épée, sont un des points faibles du Seigneur des Anneaux, parce que c'est clairement pas là où le réalisateur a mis tous ses moyens. Mais là où Le Seigneur des Anneaux est un des derniers grands films populaires où il n'y a pas l'idéologie antiraciste, où il n'y a pas l'idéologie woke, où on n'est pas dans un schéma à la Marvel, où on n'est pas dans un schéma presque à la Shonen Neketsu pour adolescents attardés. Bref, le dernier film grand public accessible aux adultes et qui ne détruit pas la culture occidentale, bah, c'était Le Seigneur des Anneaux, et malheureusement, depuis, Le Hobbit étant son pendant un peu modernisé, bah, on retombe. Le Hobbit, c'est presque un film à la Marvel, parce que la seule chose qui nous intéresse dedans, ce sont les scènes d'action, qui sont d'ailleurs en complet décalage, complet, exagère un peu, avec le livre lui-même, où si on s'en tient à ce qu'a écrit Tolkien, la bataille finale n'a pas opposé plus de 3000 personnes d'un côté et 6000 de l'autre. Hein. C'est une escarmouche en comparaison de ce qui s'est passé à l'occasion de la guerre de l'anneau. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est l'adaptation, et les réalisateurs se donnent des moyens. Hein. Évidemment, ils n'allaient pas filmer une escarmouche pour Le Seigneur des Anneaux, c'est bien évident, mais on est dans... C'est vrai qu'il y a ce côté-là, c'est la... De toute façon, quand un réalisateur n'a pas grand-chose à dire, il va utiliser des moyens. Vous voyez, il va compenser par une débauche de moyens, d'effets visuels, débauche de violence, s'il n'arrive pas à véhiculer son message. C'est ce que je me rappelle de ça, c'était Takeshi Kitano qui l'avait fait remarquer. Takeshi Kitano a fait toute une série de films. Hein. En fait, d'ailleurs, au Japon, il est connu comme un animateur de télé. Il est d'abord connu comme un animateur de télé. Hein. Il est pas connu comme un réalisateur vraiment au Japon, quoi. Évidemment, oui, il a commencé comme un comédien de stand-up, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un humoriste, un animateur télé, et qui fait des films. Et à un moment donné, je pense que c'est quand il avait fait son film Aniki, donc qui se passe aux États-Unis, mais qui implique, enfin qui implique des Asiatiques dans la trame. On lui pose la question justement du fait qu'il n'y a pas de violence excessive. Et il dit, mais non, mais la vraie violence est brève et brutale. Il n'y a pas besoin d'en faire comme vous faites les Américains avec des tas d'explosions, etc. Non, non, ça, c'est pas la vraie violence. La vraie violence, elle est brève, courte. Et c'est cette rapidité... Dans le choc, en quelque sorte, qui fait de la violence la violence. Et je trouve ça très très pertinent. Quand vous regardez vraiment les... Vous savez, enfin, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme vidéo qui circule, que ce soit dans les conflits armés, etc., ou les scènes qui existent dans les cartels, etc., les trucs les plus violents qu'on voit, en fait, en général, durent quelques secondes. Hein, quand il y a une mise à mort... C'est une rafale de Kalachnikov, c'est deux balles, bon, le type tombe. C'est très violent, mais il n'y a pas les effets hollywoodiens, je veux dire. Et je trouve que Kitano avait ce sens de l'observation. Et donc c'est bon. Après, on n'aime pas le cinéma de Kitano, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très très minimaliste. Et de toute façon, en général, les Japonais sont très minimalistes dans leur façon de tourner, quoi. Alors c'est pas tout le temps vrai. Hein, attention, hein. Il y a aussi des Japonais complètement baroques qui adorent en foutre partout, quoi. Mais quand on pense à des films particulièrement violents qui nous ont marqués par le caractère malaisant de ce qui était déployé, c'est vrai qu'on pense très rarement à des films à grands effets spéciaux américains, parce que on sait qu'on est dans le spectacle, on sait qu'on n'est pas du tout ni dans le drame, ni dans l'horreur, ni dans une forme quelconque de violence. Le classique du film d'horreur ancien, qu'est par exemple le film Psychose de Hitchcock, bah, la fameuse scène, et les, on va dire les deux principales scènes de meurtre, ne sont pas particulièrement spectaculaires. Par contre, elles arrivent de manière assez inattendue, notamment en raison du cadrage et aussi de l'attachement qu'on a eu pour les personnages. Rien à voir avec un film comme, mettons, pour prendre un truc, un film de science-fiction, mais rien à voir avec La Liste Schindler, voilà, par exemple. Ah oui, La Liste de Schindler, oui, ça c'est... Grand film de science-fiction. Mais c'est de la science-fiction. Bon film comique. C'est, oui, bah, ça c'est un film important au plan culturel. Il s'inscrit d'ailleurs dans la série de procès, dans cette espèce de viol des consciences qui a été organisé par la juiverie par la juiverie internationale dans les années 80 et 90. Et le film sort quelques années après les procès à répétition qu'il y a eu en France, qui ont consisté pour la juiverie organisée à essayer de retrouver des cadres du gouvernement de Vichy ou des membres des forces de sécurité allemandes durant l'occupation en France. Donc typiquement, c'était Klaus Barbie, c'était Maurice Papon, c'était Bousquet, c'était Touvier, mais tous ces mecs-là étaient des seconds couteaux, je veux dire, par rapport aux événements et tout ce qui s'était passé. Et là, les Juifs étaient déterminés à régler des comptes. Et donc, c'est notamment le rôle des Klarsfeld, hein, qui ont réouvert ce que De Gaulle s'était acharné à refermer, en fait. Donc, vous allez me dire, c'est difficile d'être plus gaulliste que De Gaulle, puisque De Gaulle n'avait pas de raison particulière d'être tendre avec les anciens membres de l'État français, comme on l'appelle, c'est-à-dire les membres de Vichy. Mais c'était quand même un esprit politique, et De Gaulle savait que, bon, la guerre avait été remportée par son camp et ceux qui l'ont soutenu, et donc il était pas avisé de faire du zèle. Mais ça, c'était encore un point de vue, pardonnez-moi l'expression, franco-français. C'est-à-dire que De Gaulle raisonnait encore comme un Français. Il disait, voilà, j'ai vaincu mes adversaires, maintenant je vais être magnanime. Mais pour les Juifs, qui sont maximalistes par définition, s'asseoir là-dessus, c'était pas possible. Et ils ont sorti comme ça des gars qui... Enfin, je veux dire, bon, c'était anecdotique. Ils en ont fait des caisses. Et on a eu ce spectacle. Mais c'était un spectacle, le procès Klaus Barbie. Au sens strict. On avait monté une scène gigantesque, des estrades aussi grandes que le mur des Lamentations, pour juger un petit vieux, quoi. D'ailleurs, tu me permettras, Gandalf, pourquoi faut-il que chaque fois qu'un juif fasse quelque chose de grand, c'est toujours du cinéma? Alors, tout ça pour dire que on est dans ce climat, dans la France des années 80, où c'est vraiment sur les écrans partout, et c'est là qu'à l'école, on commence à imposer les cours de Holocauste, quoi. Hein, c'est là que ça vient, avec des histoires de vampires, quoi. Hein, on sort les photos de cadavres, on terrorise les gamins avec ça. Évidemment, on n'explique jamais les circonstances dans lesquelles sont faites les photos. Donc, en fait, c'est des photos qui sont prises à libération des camps. Donc, l'Allemagne, si vous voulez, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de ravitaillement. Les Allemands, ils crèvent autant la faim que tout le monde. Et évidemment, quand on arrive dans les camps de concentration, bon, toutes les villes sont bombardées, les Allemands, ils sont brûlés dedans. Et quand on arrive dans les camps de concentration, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve des types qui sont empilés parce qu'ils sont morts de typhus, de choléra, de tout ce qu'on veut. Mais on fait croire que les Allemands étaient occupés à les assassiner. C'est ça qu'on n'explique pas. Et ensuite, il y aura un travail qui sera fait hein, sur toutes les photographies d'après-guerre. Il y a même un, j'ai plus le nom de cet historien qui a fait ça, un historien critique qui a passé en revue toutes les photographies comme ça, qu'ils ont diffusées partout dans le monde, qui continuent à circuler, en les recontextualisant, en disant voilà, ces photos ont été prises là, là, comme ci, comme ça. Et bon, il y a toujours quelque chose qui cloche, en fait, si vous voulez. Quoi. Alors, je ne dis pas que les Allemands n'ont jamais tué personne, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, c'était Dracula. Quoi. Et là-dessus arrive la liste de Schindler. Et on y met tout, quoi. Alors, on y met le violon, forcément, hein, avec l'air que vous connaissez bien. On y met l'histoire de la petite fille qui ensuite qu'on mène à l'abattoir, etc. Et le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des éléments dans le film de la liste de Schindler qui sont révisionnistes. Notamment, et ça vous le savez comme moi, le fameux épisode des douches. Ouais. Ils avaient fait la même erreur pour le film, une saloperie, le film Amen, où ils ont voulu absolument montrer un gazage, et puis en fait, c'est bizarre, ça colle pas du tout à ce qu'on nous a raconté. Ça a été reproché d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils reprenaient l'histoire qu'on nous expliquait à nous, l'histoire des douches à gaz. Mais il faut savoir ça, alors nous dans les années 80-90, à l'école, on nous disait ça, on disait oui, on gazait les juifs dans des salles qui étaient déguisées en fausses douches. Et on mettait dans les bouquins d'histoire, il y avait toujours un petit témoignage de quelqu'un, oui, alors on est, enfin je sais pas quoi, hein, quelqu'un qui disait avoir vu les douches, machin. Mais c'est plus du tout la version officielle aujourd'hui. Pendant longtemps, ça a été une version... qui a été répandu. C'est quoi la version officielle maintenant ? Alors maintenant, la version officielle, c'est qu'il y a des trous en forme de cube par lesquels il y avait des conduites en forme, comme une sorte de grillage, si tu veux, qui prolongeaient le trou dans le toit des pièces en question. Et là-dessus, les soldats allemands vidaient des boîtes de granulés de Zyklon B, donc de l'insecticide, quoi. Et voilà, donc. Alors, c'est plus du tout la même histoire, déjà, dans la méthode d'exécution. Enfin bon, ça nous amènerait sur du révisionnisme, mais la liste de Schindler a été absolument, ça a été un phénomène mondial, enfin en tout cas occidental, et c'est devenu le film de référence, quoi, absolu. Et ça fait pleurer dans les chaumières, enfin il n'y a pas, il y a les 9 nanas sur 10 qui vont voir le film, elles sont en larmes devant le truc, etc. Tout y passe, quoi. Mais techniquement, c'est bien fait. Les acteurs sont bons. Liam Neeson est très bon, d'ailleurs, il magnifie d'ailleurs le rôle de Schindler, qui en fait était un type assez peu reluisant, hein, en réalité. Il y a évidemment aussi Ralph Fiennes, qui joue le rôle d'Amon Goethe, hein, donc le SS du camp de concentration, donc qu'on nous présente vraiment comme la bête national-socialiste, enfin, c'est Dracula, mais raconté par les Juifs au Goïm, quoi. Ça a été un phénomène culturel absolument énorme, et depuis, on a assez peu dévié de ça. Hein. Sauf en Iran, où on a un petit peu revu certaines choses. Voilà. Mais c'est ça pour dire que les films sont jamais innocents. Donc tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent, en tout cas sur les 30 dernières années, les films dont on a parlé là brièvement, alors il y a des... Comme tu l'as bien dit, Zyklon B, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu une exception. Mais quand il y a une suite, on va essayer d'y mettre du féminisme, par exemple. Bon, 300, c'est un film qui est percutant, mais on sent qu'il y a un message aussi qui est véhiculé, bon, à analogie entre Israël et l'Iran, un message féministe aussi, qui est envoyé un peu par rapport à l'islam, et notamment la place de la femme dans l'islam, notamment, quoi. C'est très présent, ça, dans la critique juive de l'islam, c'est très présent, ou la critique démocratique de l'islam, c'est très présent aussi. Et là, la liste de Schindler, bon, là, le film juif par excellence, là, il s'agit de criminaliser, très clairement, l'homme blanc, hein, je veux dire, faut pas se mentir, quoi. Mais phénomène culturel très important, quoi. Après, d'ailleurs, la liste de Schindler a entraîné toute une série de copies. C'est-à-dire, en gros, le pianiste... Le pianiste c'est, quel film de merde. C'est presque la suite, quoi. Ouais, c'est presque la suite, on est d'accord. Hein. Ouais. En moins bien. Oui. C'est-à-dire qu'au moins, la liste de Schindler, il y avait une technique qui, voilà, encore une fois, qui est proche de la perfection. Le pianiste, déjà moins, l'acteur, il est transparent par rapport à Liam Neeson, quoi. Liam Neeson dégage un charisme absolument de dingue, quoi. Puis oui, là, c'est, ouais, mais c'est vraiment, on insiste sur le piano, le violon, c'est bon, quoi. Attention, parce que ça, c'est vicieux aussi de mettre, remarquez le choix de Spielberg, il est très habile, Spielberg. Il n'a pas mis en avant un juif comme acteur principal. Il sait à qui il s'adresse. Il sait très bien que, évidemment, c'est un juif qui parle aux juifs. Mais s'il veut atteindre son but, qui est de culpabiliser les blancs, il faut mettre un personnage blanc au centre. Il faut mettre un homme blanc au centre. Et il faut créer un vis-à-vis entre le bon blanc et le méchant blanc. Donc c'est le rapport entre Amon Goethe et Schindler, en fait. Donc entre Liam Neeson et Fiennes, en fait. Et ça reprend des représentations collectives qui existent dans le monde chrétien depuis très longtemps. Je veux dire, entre le bien et le mal, le bon ange et le mauvais ange, l'ange déchu, etc. Et l'idée, c'est d'offrir une porte de sortie au spectateur blanc. C'est de lui dire, attends, t'es pas condamné à être un salaud. Tu peux, toi, être Schindler aussi, mais il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut être bon avec les pauvres petits juifs sans défense, qu'on persécute sans raison. Vous voyez, parce que les juifs, ils n'ont jamais rien fait de mal, vous savez. Ça, c'est le grand truc. On ne sait pas pourquoi. Hein. Ils se font virer de partout, mais ils n'ont jamais rien fait de mal. Et c'est très efficace. C'est extrêmement efficace comme arme psychologique. Ce film sort d'un arsenal de guerre psychologique. Et c'est très bien fait. D'accord ? Donc, on ne va pas mettre en avant tous les juifs dans le film, sont des seconds rôles. C'est très habilement joué de la part de Spielberg. Très habile. Il aurait pu tomber dans l'erreur du pianiste, qui est un film fait par les juifs pour les juifs. Vous voyez ? C'est bien moins subtil, c'est bien moins intéressant, c'est bien moins fait aussi. Et voilà, quoi. Hein. Bon, vous l'avez bien dit, quoi. Hein. Puis bon, là, au niveau du violon yiddish, là, il y en a. Alors là, dans le pianiste, ça y va franchement, quoi. Là, il n'y a pas de. Ouais. Puis Brody est pas un bon acteur, quoi. Ça, c'est un autre problème dans le cinéma hollywoodien. Combien de fausses gloires juives, quoi, sont portées à l'affiche alors qu'ils n'ont pas le talent pour aller avec, quoi. Je trouve, en tout cas, quoi. Peut-être qu'on pourrait parler un peu de films positifs parce que Starship Trooper. Oui, non, enfin, je veux dire, il y a un moment en fait dans les années 80. Là, peut-être nos plus jeunes auditeurs, parce que nos plus jeunes auditeurs peuvent voir les films, mais ils les ont pas connus dans leur enfance. Donc il y a un petit peu un gap générationnel. Mais je pense que nous, ici, globalement, pas tous de la même génération à peu près, il y a des différences d'années quand même. Mais je pense qu'on a vu au moins les films des années 80 et 90. Et dans les films des années 80, ce qui ressort énormément, c'est qu'on a des films optimistes. Je dis pas que tous les films sont optimistes dans les années 80. Hein. D'ailleurs, il y a souvent des messages assez ambivalents sur le futur. Hein. Souvent, il y a. Mais bon. Mais je trouve qu'il y a une énergie et quand même un enthousiasme dans les films qui ressort et qui, je crois, exprime ce qui prévaut à l'époque, alors au moins aux États-Unis, quoi. Et il y a une confiance dans le futur. Ça donne. Voilà, il y a énormément de films dans les années 80 qui sont faits, mais que ce soit en science-fiction ou bien ou des grandes franchises quoi connues, il y en aurait beaucoup à citer, mais vous avez Retour vers le futur par exemple, vous avez il y a des tas de films, hein, d'accord. Mais il y a toujours, je trouve toujours cette candeur, cette innocence quand même dans les films produits. Qui, je trouve, font honneur quoi, au cinéma américain. Les films des années 80, je trouve. Pas tous, hein, pas tous, encore une fois. Et dans les années 80, c'est encore la grande mode des films d'action, avec Stallone, Schwarzenegger. C'est une mode qui va s'arrêter à peu près au milieu des années 90. Mais c'est une époque où on a encore le droit d'avoir des héros ariens, jeunes, forts, badass, et qui cassent des gueules et qui gagnent toujours à la fin. Ouais, qui finissent bien. Ça, c'est important aussi. Qui sont positifs parce qu'ils finissent bien. C'est vraiment la fin des représentations positives de l'homme blanc jeune au cinéma. Ouais, c'est pas faux, Terminator 2, c'est 1991. Hein. Ouais, il y a aussi Predator aussi, dans le genre Schwarzenegger. Extraordinaire. Ah ouais, c'est... Alors, moi j'adore Predator, mais je trouve qu'il a... Enfin, le scénar a vraiment de la gueule, quoi. Ce qui est génial dans Predator, c'est qu'il y a des noirs dans ce film. Il y en a. Ouais, il y en a, ouais. Mais outre le fait qu'ils se font buter, ce qui fait bien plaisir, ils n'ont pas un rôle de noir. Ils sont là parce qu'ils ont des muscles qui transpirent la virilité. Ils sont pas là pour caser des minorités. Ouais, exact, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. À la limite, on mettrait un blanc à la place que ça ne changera rien. C'est vrai. C'est ça. Déjà, dans Predator 2, déjà, il est réécrit, on a mis des femmes, on met des hispaniques, etc. Vous avez qu'à remarquer que c'est déjà, vous avez vu, c'est entre le 1 et le 2, il y a déjà... Oui, puis dans le 2, il n'y a pas la fameuse réplique d'une des scènes d'ouverture, Dylan, sale petit enfant de putain. Là, ils se font un bras de fer extraordinaire en gros plan qui te dégage tellement de testostérone que tu peux être atteint d'une poussée précoce de virilité si t'as 12 ans, quand il commence ça. Il y a maintenant 18 heures, on a perdu un hélico avec à bord un ministre et un attaché qu'on ramenait de ce paradis terrestre. On a repéré la dernière position de l'appareil dans ce secteur. Ce ministre, est-ce qu'il se balade souvent du mauvais côté de la frontière ? Apparemment, ils ont fait une erreur de vol. Et on est presque sûr qu'ils ont été pris par les guerriers. C'est à l'armée régulière de les récupérer. Pourquoi faire appel à nous? Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Dylan! Sale petit enfant de putain. Je me rappelle de ça, avec ces gros cigares là. Puis Schwarzenegger est un acteur ultra charismatique, quoi. Je veux dire, c'est fou, hein. Schwarzenegger, bon bah lui, il incarne. Moi, j'admire Schwarzenegger. J'aime pas l'homme politique d'ailleurs parce que en fait, il se situe à l'opposé de nos idées, quoi, grosso modo. Mais on s'en fout, parce que bon, des gens comme, enfin, des connards de centre-gauche ou de centre-droit, on en trouvera toujours. Mais l'homme à l'écran, et ça, c'est fou comment un homme qui, sans parler, peut dégager autant de trucs à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans Terminator, c'est très vrai, parce que dans Terminator, comme il incarne un cyborg, il parle assez peu. Et en fait, juste la gueule de Schwarzenegger est tellement puissante que tu fais juste un gros plan sur sa tête et paf, ça... J'ai re-regardé récemment Terminator et il y a là 30 ans, j'étais là devant mon écran, j'ai dit « putain la vache, ça envoie quoi ». Il faut quand même dire merci au réalisateur, hein, parce que dans un film, c'est le réalisateur qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il a eu de la chance aussi de tomber sur des réals et des films qui allaient devenir iconiques et qui ont énormément servi sa carrière. Ouais, c'est rare qu'une suite soit meilleure que l'original. Hein. Moi, perso, Terminator 2, il a réussi quand même le coup de force à faire mieux que le 1, qui était déjà excellent. Et dans un film, alors un film très débile, je trouve, hein, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord, c'est Conan, hein, avec Schwarzenegger. Mais là, par contre, je viens de me ranger derrière l'avis de Gandalf par rapport à ça. Le film est complètement con, je trouve. Mais juste, il y a Schwarzy, et il dégage un truc énorme, et du coup, tu te laisses quand même embarquer dans l'histoire, quoi. Voilà. Mais c'est débile, hein. C'est vraiment débile. Ah, moi, j'aime beaucoup Conan le Barbare. Je peux pas vous laisser dire ça. Moi, j'aime beaucoup Conan le Barbare, hein. J'aime, ouais. Et l'univers, ouais. Et surtout, ce qui me frappe dans Conan le Barbare, même si le film a vieilli, bien sûr, du côté de sa mise en scène, et que Schwarzenegger est à ses débuts de jeu d'acteur et qu'il restera mauvais jusqu'à sa collaboration avec Paul Verhoeven, mais la scène finale qui confronte le héros avec le méchant Tulsa Doom, c'est quand même une des très rares scènes dans un film soi-disant bourrin d'action où tout se joue non pas dans la capacité de l'un à être meilleur au combat que l'autre, mais dans un duel de personnalité. Puisque qu'est-ce que fait le méchant? Le méchant explique à Conan que puisque tu as vécu toute ta vie pour te venger de moi, eh bien ça veut dire que tu es mon fils et que si tu me tues, tu n'existes plus. Et ce à quoi Conan réplique par ce qui est une des prises de position vitales que tout homme doit avoir face à sa propre existence, que non, peu importe qu'il ait vécu toute sa vie pour se venger d'un homme, la volonté ne vient pas de cet homme, elle vient de lui-même. Et c'est comme cela qu'il peut se permettre de lui trancher la tête et de mettre fin à celui qui a quand même assassiné ses parents. L'acier n'a aucune force, mon garçon. La chair est plus forte. Regarde autour de toi, ici. Et là, sur les rochers, cette belle jeune fille. Viens, moi, mon enfant. Ça, c'est la véritable force. Ça, c'est le pouvoir. La force et le pouvoir de la chair. Qu'est-ce que l'acier comparé à la main qu'il a forgée? Observe la force de ton corps, le désir dans ton cœur. Je t'ai offert cette force. Quel gaspillage. Tu vas y réfléchir sur l'arbre du malheur. Crucifiez-le. Pour en revenir sur les films d'action, on peut peut-être faire une petite revue des films d'action dont parlait Porovitch. C'est ça, des films d'action, comme on dit, manichéens, parce que vous savez, en fait, c'est quand on a essayé d'intellectualiser le film d'action qu'on a tué le film d'action. C'est-à-dire qu'on a commencé à reprocher au film d'action d'être manichéen, justement. Dire, ouais, non, mais arrêtez, c'est redondant. Mais c'est complètement con de faire ce genre de procès à des films comme ça. C'est comme de reprocher à l'Odyssée d'être l'Odyssée ou à l'Iliade d'être l'Iliade. C'est-à-dire qu'il faut des archétypes parce que les archétypes existent et ils doivent être mis en scène, je veux dire. Mais il y avait Captain America qui voulait parler un peu de Robocop. Là, on est avec. Si tu peux nous en parler un peu peut-être là, parce que ils prévoient faire un. Ah, juste un truc avant de Robocop, et juste pour dire que ce que disait Pierrot par rapport à Conan le Barbare est juste, c'est que ils ont fait une suite à Conan le Barbare, mais c'est pas Schwarzenegger évidemment, et ça tombe à plat quoi. C'est-à-dire que Conan le Barbare, c'est Schwarzenegger. Et tu enlèves Schwarzenegger du rôle, tout d'un coup tout s'écroule. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un homme qui rentre comme la main dans un gant, dans un rôle, et il l'incarne, et après, tu peux faire ce que tu veux, mais n'importe qui dans le rôle, et ça marche pas, quoi. Ça m'avait particulièrement frappé. Donc, ça, c'était pour eux qui disaient, il faut un réalisateur. Ça, c'est sûr qu'il faut un grand réalisateur pour que ça fonctionne, mais il y a aussi la part du talent d'un acteur, du charisme surtout d'un acteur qui va faire que ça va marcher à l'écran ou ça va pas marcher. La suite de Conan, moi j'avais trouvé ça. Il était même pas à rien le mec, hein, c'était une espèce de truc bizarroïde, je connais même pas la. C'est celui qui joue le rôle d'Aquaman, mais je sais plus son nom. Jason Momoa. En substance, on a remplacé un Autrichien par un Hawaïen. Ouais, voilà, donc ça marche. Ouais, voilà, ça marche pas, c'est nul et bref. Comment dire. Captain America, ouais, donc les grands films d'action des années 80, Robocop, hein, alors ça, pour les plus jeunes évidemment. Robocop, vas-y. Ouais, plus qu'un film d'action, c'est. C'est un film d'anticipation, mais encore une fois, c'est fait par Verhoeven, donc il y a une volonté de critique derrière. Bon, là, il fait. Il ne fait pas une satire, mais il critique effectivement l'omniprésence dans la vie de tous les jours, à la fois du complexe, on va dire, militaro-industriel et du grand capitalisme conjugué, puisque l'ennemi, en fait, c'est l'omni-consortium product qui possède tout, en fait, de l'immobilier à la police. Mais véritablement, hein, parce que la police est rémunérée par ces gens-là, et qui est de mèche avec des truands. Et ce qui, qui a marché chez Robocop, c'est qu'à la fois tu as cette critique donc de la société américaine, de la société occidentale, mais en même temps c'est appuyé sur une sur un contenu qui est véritablement très cru. Et la violence y est la violence est super crue, quoi. Tu vois le meurtre d'Alex Murphy, après comment il se venge, t'as aussi la quête, on va dire la quête quelque part initiatique, quand Robocop redécouvre qu'en fait il avait une identité, qu'il a perdu sa famille, etc. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire dans la suite. La suite de 2016, si je dis pas de bêtises, ça a pas marché parce que la violence déjà, elle a été tamisée. C'est-à-dire que il y a des meurtres, il y a des tirs, mais il n'y a pas cette cruauté qu'il y avait dans le premier Robocop envers les forces, enfin envers Alex Murphy. Et tu n'as pas aussi la quête initiatique, parce que le deuxième Robocop, lui, il est instantanément, quand il se réveille, il a encore ses souvenirs. Et puis c'est ridicule, parce que là où le premier Robocop il était en mort cérébrale totale, le deuxième, lui, il n'est pas en mort cérébrale, il est gravement atteint, il serait paraplégique, et ils lui font entièrement un nouveau corps, il garde juste les poumons, la tête, enfin le visage, quoi, et là, et une main, on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas de sens. Alors que le premier était tellement, le premier il était crevé, quoi, on ne pouvait rien en faire, quoi, on ne pouvait pas le sauver, quoi. Et oui, tu veux dire quelque chose? Non, pardon. Moi, Verhoeven, bon, on pourrait dire déjà que il y a un début de féminisation des forces de l'ordre avec la partenaire de Murphy, qui d'ailleurs est la seule qui, dans le vieux Robocop, hein, qui est la seule qui veut le sauver, qui veut l'aider, et qui d'ailleurs a été remplacée par un négro dans la suite. Comme quoi, on a toujours l'acteur blanc avec une minorité, qu'elle soit raciale ou qu'elle soit sexuelle. Mais moi, ce qui me fait rêver dans ce film, c'est juste la dans ce film-là, hein, parce que The Starship Troopers de Verhoeven, je l'aime pour d'autres raisons, mais là, il voulait se foutre la gueule du fascisme, mais en fait, il en a fait une magnifique apologie. Mais dans ce film-là, dans Robocop, ce que j'aime, moi, c'est véritablement la franchise brute en fait du propos. C'est-à-dire que on sait qu'on vit dans un monde pourri, on sait qu'effectivement le big business a des ramifications avec le politique, des fois avec effectivement le banditisme. On sait qu'il s'immisce dans énormément de pans de la société, l'armée, la sécurité, la surveillance. Et en fait, tu te trouves confronté à la sublimation du monde réel, mais avec une issue... avec un heureux dénouement, en fait. C'est-à-dire que le protagoniste en souffre énormément, puisqu'il meurt littéralement, physiquement il est mort, il n'y a plus que son esprit qui va rester en partie. Mais à travers son sacrifice, il arrive en fait à enrayer le mal, à éradiquer la source de sa mort, ainsi que la souffrance des gens de la ville dans laquelle il évolue. Donc c'est cathartique, quoi. J'aimerais bien, vous voyez ce que je veux dire, moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir la même chose en la vie réelle, quoi. Mais ça c'est très c'est très présent dans les films des années 80, surtout dans la SF, le spectre de giga groupes comme ça qui établissent une espèce de contrôle totalitaire sur la société, vous voyez. Ce que tu décris là, d'ailleurs dans Robocop, d'ailleurs il y a une dénonciation d'ailleurs de l'emprise, notamment des groupes japonais, propres aux années 80, oui, d'ailleurs sur l'économie, parce qu'il y avait une espèce de aujourd'hui c'est contre la Chine, notamment avec Trump, hein, il dénonçait souvent la Chine, et en fait dans les années 80, c'était le Japon qui exportait énormément d'autonomie, d'automobiles ou de télévision, etc. aux États-Unis. Il y avait comme ça aux États-Unis le spectre du déclin de l'Amérique. Déjà, il y avait l'idée que l'Amérique n'était plus la grande puissance industrielle qu'elle avait été après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça ressort dans ce film-là, c'est-à-dire que les consortiums sont des consortiums internationaux. Donc c'est marrant dans la critique de Verhoeven. Parce qu'il y a un peu l'idée sous-jacente de dire, en fait, le pays est à vendre et les étrangers peuvent l'acheter et donner les ordres dans nos villes, vous voyez, parce que le pouvoir économique et le pouvoir politique se fusionnent complètement. La corruption est généralisée. Et donc, depuis le Japon, en fait, il y a une espèce de micromanagement des villes américaines. Et c'est assez intéressant comme critique, mais ça pourrait être une critique de Trump, finalement, au fond. Et pour... Concernant Robocop, je trouve que c'est l'exemple parfait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, où finalement, on n'arrive plus à nous servir des films, ou des séries d'ailleurs, où le personnage principal est un héros qui est profondément bon, en fait. Robocop, il fait pas forcément tant les meilleurs choix, mais il a un bon fond, il veut rendre la justice, nettoyer le crime. Alors, il le fait très bien avec beaucoup de violence, mais il nettoie la ville des meurtriers, et il rend la justice, c'est profondément sympathique, en fait, sa mission. Et moi, je suis de plus en plus étonné de voir des séries ou des films à succès, qui ne manquent pas de qualité pour la plupart, mais finalement, on en présente le vice comme de la vertu. Oui. On présente un tas de salopards. Et en fait, on est tous un peu fascinés par le mal, parce que si vous voulez faire une série ou un film où il n'y a pas d'éléments maléfiques, vous vous faites chier. Donc forcément, il y aura des éléments maléfiques. Mais le fait de présenter le vice comme de la vertu, je trouve ça extrêmement vicieux, parce que quelque part, ça marche très bien. Il y a deux séries que j'ai en tête quand je parle de ça, qui sont, on va dire, de... J'aime pas la morale, mais on va dire la qualité générale est au rendez-vous. C'est Dexter, finalement, on glorifie un serial killer. Bon. Et puis la série plus récente, Game of Thrones, où en fait, pareil, hein, toujours sous la technique, quasiment rien à redire, il n'y a pas de problème. Mais finalement, quand vous réfléchissez à la liste de tous les persos, ils sont tous vicieux, quoi. Il n'y en a pas un, c'est tous vraiment une collection de salopards, quoi. Et les bons éléments, ils sont toujours en bas de la liste, quoi. Les deux seuls personnages qu'on arrive un peu à retenir pour leur côté, leur bonté, c'est quoi ? C'est un nain qui, on va dire, qui devient de plus en plus sérieux et qui arrête ses vices, mais c'est un nain et un manchot, quoi. Et sinon, de toute façon, 90% de la série, ils se comportent comme des salopards et tout le reste, c'est des salopards. Ouais, je vais reprendre. Vas-y, sur Robocop. Pas sur Robocop, mais sur ce que disait Pierrot vis-à-vis du fait qu'on glorifie le mal. Il y a quelques émissions, je disais comme ça qu'il y avait un auditeur qui s'appelait Lucifer, et j'avais sorti que normalement on devrait vivre dans une société dans laquelle on n'utilise pas ce genre de référence, à moins qu'on fasse partie de unités très spéciales. Par exemple, quand t'as les légionnaires ou les paras qui chantent « Le diable rit avec nous », qui est une traduction de chanson allemande, pourquoi pas, ça peut se comprendre. Ce sont des gens qui font face à la mort, qui la dispensent. Bon, c'est particulier. Mais effectivement, dans la société, on va dire de façon générique, qu'il y ait une, pas forcément une glorification, mais une relativisation vis-à-vis de ce qu'on va appeler être mal, c'est-à-dire par exemple tromper son conjoint, voler, mentir, tuer des fois pour des raisons. Par sadisme, la torture psychologique, ça devrait jamais être représenté, en fait, parce que je vais pas dire que quand on voit ça à la télé, ça nous incite à, parce qu'il faut être véritablement faible d'esprit pour se dire ah ben je l'ai vu à la télé, je peux le faire. Non, on a tous des barrières, on sait tous qu'il y a des choses à pas faire, qu'il y a des barrières à ne pas franchir, mais pour les gens dans le monde constitué. Mais en revanche, ça nous insensibilise un peu. Et peut-être, c'est juste, je suppute, hein. Je me dis que si on n'était pas aussi insensibilisé vis-à-vis du mal en général, peut-être qu'on aurait plus facile, on aurait meilleur temps, comme on dit dans le Jura suisse, dans le Jura français, on aurait plus facilement l'envie de s'opposer à ça, en fait. Oui, parce que ça va. Ça rejoint une petite blagounette qu'on avait fait dans une précédente émission. Alors, je ne sais plus pourquoi le contexte. On s'était amusé à parler de la série Dragon Ball, qui est une série tout à fait sympathique. On parlait de la version Z et des Algériens qui glorifiaient le personnage de Vegeta, où en fait on voit des scènes de violence dans lesquelles Vegeta, c'est un personnage qui se comporte de manière complètement sadique au début quand il est présenté, quoi. Et moi, j'ai toujours été frappé de voir finalement à quel point les Algériens, parce qu'en fait, les Algériens pensent que Vegeta est algérien. Ça, c'est un autre sujet, c'est l'Algérie, c'est un univers mental particulier. Hein, voilà. Suprabouillulisme mental. Ah ouais, non, mais là, les Algériens glorifient Vegeta. En fait, ils aiment bien ce personnage au moment où il apparaît, au moment où il se comporte comme un gros salopard. Et moi, j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'en fait, finalement, c'est quelqu'un qui vient de très loin, et qui en gros s'est converti, et à la fin, ça devient un justicier, quoi. Il combat pour la vertu. C'est deux univers mentaux quelque part, entre l'Afrique du Nord et puis l'Europe, quoi. Ouais, mais ils aiment Vegeta parce que Vegeta est un putain de gros rageux. Misérable, tu n'avais pas le droit de faire ça. C'était un combat entre eux et moi, et tu n'avais pas le droit d'intervenir. Ça, ce sont vos règles, mais ce ne sont pas les miennes. Dans un combat comme celui-ci, l'important, c'est de vaincre. Direct ! Depuis que je te connais, tu n'as cessé de m'humilier. Et je regrette de n'avoir pu te faire payer pour tout ce que tu m'as fait. Tu emporteras tes regrets avec toi. C'est le cas de tous les Algériens. Les Algériens sont des putains de rageux, quoi. c'est ça le truc. Donc en fait, c'est pour ça que ce personnage, pour ça que chez ce personnage, il y a quelque chose qui les hypnotise, quoi. Ils disent putain, mais en fait, c'est nous, quoi. Et ça leur plaît, quoi. Le côté ultra violent, ultra, tu vois. T'as oublié autre chose. C'est que Vegeta, c'est les princes des Saiyens, comme les Algériens, c'est les princes du Maghreb. Ah, c'est vrai. Ouais, mais comme tu dis, le côté rageux, je pense qu'il s'identifie à ça, le côté hyper fier, parce qu'il raconte, Vegeta n'arrête pas de ramener à ses origines Saiyens et au fait qu'il soit un prince. Et puis, peut-être aussi que dans la cruauté, il retrouve un peu la culture qu'on trouve au Maghreb, qui est la culture de la Agra. Ouais. C'est-à-dire torturer, humilier les faibles. Exactement, ouais. Mais pour ça donne envie. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un démantèlement du schéma bien mal qui a eu pour effet de troubler les représentations collectives en disant oui, mais vous savez, c'est plus compliqué que ça. Ce qui permet aujourd'hui à des salopards d'avancer sans être trop. C'est pas surprenant que ceux qui produisent les films, qui appartiennent évidemment à une élite et qui ont toujours plus ou moins des projets en cours, veulent dire écoutez les gars, ce serait quand même pas mal que dans les masses, on véhicule l'idée que finalement, ce que nous sommes en train de faire habituellement n'est pas si grave. Vous voyez, donc il y a comme ça. Alors ça c'est plus récent, mais c'est plutôt les années 2000. Il y a un film comme, enfin une série, une franchise qui m'avait profondément dégoûté. C'est pas que je suis une âme sensible, hein. Je veux dire, moi je suis blindé à ce niveau-là parce que j'ai vu à peu près, j'ai vu pas tout ce qu'il est possible de voir, mais enfin j'en ai vu beaucoup en termes de vidéos État islamique et compagnie, donc des trucs quand même assez trash, et ça m'émeut pas. Mais c'était la franchise qui s'appelait Saw. Et en termes d'accoutumance organisée au trash et au sadique, j'ai trouvé que c'était quand même très abouti, parce que c'est vraiment essayer de cultiver le sadisme chez les gens, parce que ça sert pas l'histoire, je veux dire. Encore d'ailleurs, tous les films Saw se terminent mal. C'est aussi un truc qui revient souvent. Dans la fin du premier Saw, le mec il doit se scier la jambe pour échapper, et ben il se scie la jambe, il fait sacrifice de son membre et il peut quand même pas s'échapper. Ça sera vraiment des fils de pute, quoi. Là, je pense que vous vous trompez. Dans des films comme Saw, ce qui est recherché, c'est un effet cathartique. On met en scène comme ça une extrême violence, mais c'est pour il y a un effet un peu défouloir. Je pense vraiment que les films qui sont pernicieux, c'est justement pas ces films-là. Pierrot a parlé des séries qui mettent en avant des criminels, des délinquants, genre je sais pas moi les Sopranos ou Peaky Blinders. Ouais. Ça sont vraiment des mauvais films. Enfin, des mauvaises séries, des mauvaises fictions. dans le sens vraiment de valoriser, de rendre sympathique des criminels, ça c'est pervers. Mais bon, c'est aussi la logique, la suite logique un peu de la société, hein. Combien de fois on entend dire que le bien, le mal, c'est relatif, que la critique aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais des films où les camps sont trop bien marqués, on dit voilà, c'est manichéen. Bon voilà, le bien, le mal, c'est des idées voilà qui dérangent et qu'il faut mettre dehors quoi. Alors il y a un domaine où le manichéisme est la seule règle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de nuance, et c'est dès qu'on parle du Troisième Reich, de la Deuxième Guerre mondiale, là on reste sur un schéma extrêmement manichéen. Et les titres des films, c'est Hitler, la naissance du mal. Vous vous rendez compte, c'est pas Adam et Ève, la naissance du mal, c'est Hitler, la naissance du mal. Avant Adolf Hitler, il y avait pas de mal quoi. Il y aurait une épopée à faire en plus sur la vie d'Adolf Hitler. En film, je veux dire, mais ce serait très difficile de faire ça en film, mais une vraie épopée, je veux dire, un vrai film, un très grand film sur la vie d'Adolf Hitler, en toute honnêteté, et pas nécessairement uniquement pour adopter notre point de vue, non, mais vraiment un truc vraiment bien fait, et où il faudrait absolument de la nuance. Et c'est toujours interdit, c'est-à-dire que c'est toujours effectivement, Adolf Hitler, c'est le diable, c'est le démon, voilà. Ou alors autre chose, mais c'est souvent les juifs qui le font, c'est essayer de tourner en dérision Hitler. C'est-à-dire, on fait des films grotesques, qui se prétendent avoir vocation humoristique, où Hitler, en fait, est un personnage un peu loufoque, dont on se sert pour tourner en dérision ses idées. Alors, quand les Juifs ont eu affaire à Hitler, ils rigolaient un peu moins. Là, ils rigolent un peu. Bon, oui, à l'époque, ils rigolaient quand même pas autant. Donc, bon. Mais c'est voilà. Mais il peut pas. Il y a pas de. Là, on met pas de nuance. On met rien, quoi. Donc. Toujours y penser, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, et quand on évoque le Troisième Reich, c'est toujours... Puis ça devient usant, je veux dire, parce que... y a toujours, vous savez, c'est toujours la musique grave, angoissante, puis ça marche pas, quoi. Ça marche plus, quoi. Enfin, moi, chez moi, ça... Bon, évidemment, les gens vont me dire, oui, non, mais forcément, toi... Mais quand je suis bon public... Mais c'est toujours... Il y a pas mal de trucs grotesques qui ont été faits. Alors, t'as les nazis zombies. Alors, ça, c'était... les nazis zombies, c'était quand même pas piqué des hannetons. On a eu un film aussi de SF, là, avec les nazis sur la Lune. Mais ça partait dans tous les sens aussi. On pourrait en faire comme ça quelques-uns. Bon, La Chute, évidemment, très connu. Où Hitler, on est pratiquement réduit à mort dans les tapis. Et c'est pas le meilleur. Par exemple, La Chute, le film qui a été fait là, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Il y a un autre film qui a été fait. J'ai oublié le nom de cet acteur. D'ailleurs, je m'en veux. Bruno Gantz. Non, ça c'était le dernier qui a été fait. Mais je crois que c'était avec Guinness, je crois. Et c'est un film qui est sérieux. C'est sur les derniers jours du bunker, les derniers jours d'Adolf Hitler dans le bunker. Et alors évidemment, il y a une critique d'Adolf Hitler, etc. Mais le film se tient quand même à un certain standard. C'est-à-dire que le réalisateur ne s'abaisse pas à un certain nombre de choses vis-à-vis d'Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'il traite quand même Adolf Hitler avec une... Alors, il met une pointe d'ironie, bon, c'est britannique, et une pointe d'ironie sur certes, mais quand même, il traite le sujet avec une certaine distance, quoi. Alors que La Chute avec Gantz, c'est ça. Bon. C'est quand même. Et si on traitait vraiment Adolf Hitler comme on le devait à l'écran, bah, le problème, c'est qu'on fabriquerait des nationaux-socialistes par millions. Donc c'est pour ça qu'il y a un interdit aussi. C'est-à-dire que si on présentait vraiment les choses comme étaient, sans même les flatter, mais juste comme elles étaient, ça produirait des effets que, évidemment, le système ne peut pas se permettre, hein, bien sûr. Alors, ça, c'est la question, en fait. De toute façon, c'est un peu tout le fil conducteur de ce qu'on dit, là. C'est-à-dire que... Les films ne sont pas faits innocemment. Et les séries ne sont pas faites innocemment. Il y a toujours une intention derrière ces films. Donc, les gens ont l'impression, quand ils regardent une série, quand ils regardent un film, parce qu'on a un peu le spectateur est passif, hein, devant l'écran, Donc on débranche un peu son cerveau, hein, on se met un peu en mode pilote automatique, on regarde, on se laisse guider dans l'univers, dans l'histoire, mais on a tendance à croire que c'est juste un divertissement, on est juste là pour passer 2 heures, et que 2 heures ou 3 heures, bon si c'est une série c'est plus long bien sûr, mais qu'il n'y a pas une volonté derrière de nous amener quelque part où on veut que nous soyons. Voyez, et je pense qu'il faut quand même toujours être, pardonnez-moi un peu l'expression, alors c'est difficile parce qu'on va pour se détendre, mais malheureusement dans l'univers dans lequel on est, il faut toujours être un peu sur la défensive avec les films et avec les séries, parce que quelque part on nous agresse de manière plus ou moins subtile, et quand je dis nous, donc c'est les hommes blancs, hein, on nous agresse, c'est-à-dire qu'on veut soit nous culpabiliser, soit on veut nous mentir. Soit on veut saboter nos qualités fondamentales, qualités morales, etc. On veut nous rabaisser, etc. Et donc on est constamment attaqué, je veux dire, au niveau de quelque part, même sur la rétine, au niveau de la rétine, je veux dire. Voilà. Et donc il faut malheureusement être sur ses gardes. Or quand on regarde un film, ben on n'a pas envie d'être sur la défensive. Quand on regarde un film, par définition, on baisse la garde, on se détend, on se relaxe, on veut oublier les ennuis du quotidien, on veut complètement changer d'univers. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que la vocation des films, des séries, est justement d'offrir un moment de répit, peut-être même en essayant d'exalter un peu l'âme quoi, pendant 1 ou 2 heures. Et en fait, en raison de l'ambiance actuelle, on se sert de notre baisse d'attention pour nous agresser. Et en fait, les gens les plus dangereux vont être ceux qui vont nous agresser très efficacement sans qu'ils passent pour des agresseurs. Et c'est très difficile. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à regarder des films. Enfin, je les regarde, mais je vois les agressions. Au bout d'un moment, c'est très difficile quoi, de passer vraiment un bon moment, à moins de tomber dans des catégories, vous voyez, où par exemple c'est de l'humour potache, et encore. Même pas. Ouais, c'est difficile de ne pas être envahi par ça. C'est terrible hein, de regarder. Moi, j'ai revu une série comme ça qui s'appelle Scrub, qui est très rigolote au demeurant et dont l'acteur principal est un juif. Et je l'ai revu avec 10 ans d'expérience de plus, et là, tout ce que je voyais pas de messages, de sous-textes, de propagande, tout ça m'a sauté à la gueule, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point Scrub avait beaucoup travaillé sur un angle en particulier. C'était le sabotage des relations hommes-femmes. C'est une série qui a beaucoup fait pour dire aux femmes, comportez-vous comme des folles, et aux hommes, vous devez tout accepter, tout pardonner. Jusqu'à l'humiliation, l'abnégation totale aux femmes. Et ça fait drôle, parce qu'il y a 10-15 ans, quand je l'avais vu, ben, je n'avais absolument rien vu de tout ça, et j'avais tout gobé. Ouais. C'est le même sentiment de trahison, lorsque, quand j'étais gamin, je regardais la série, plutôt ado, Friends, et maintenant, quand je me ressouviens d'épisodes que j'avais consultés avant, il n'y a rien qui va, quoi. C'est vraiment comme tu dis, déjà, il y avait des youpins qui nous étaient présentés comme des gens extrêmement sympathiques et comme tout le monde. Ça, les juifs, ils adorent faire ça. Vous avez vu, nous, on est des juifs. C'est quoi un juif? Un juif, c'est comme un chrétien, c'est la même chose. C'est juste que nous, on fait une célébration culturelle un jour avant. Le reste, il n'y a rien qui change, voilà. Ça, les juifs, ils adorent se faire passer juste pour monsieur tout le monde. Et bon, au-delà de cette question juive, il y a aussi le fait que ça glorifie les relations éphémères homme-femme, la femme toute puissante, l'homme bêta, pas de construction familiale, c'est niais, enfin bref, il y a une liste extrêmement longue, et je constate que ça, à l'époque, ça passait sur France 2. Moi, je pense que tous mes potes regardaient Friends. Ah, tout le monde a regardé cette série-là. Hyper populaire. Énormément. Ça mettait en scène la bourgeoisie new-yorkaise, qui est par définition très juive, hein, parce qu'il y a énormément, enfin quand vous vivez à New York, c'est très difficile enfin, quand vous avez des relations sociales, c'est très difficile de ne pas avoir des juifs dans ces relations sociales. C'est très dur. Ils sont partout. Il y en a des millions qui vivent à New York. Vous pouvez pratiquement pas les éviter. Et Friends, c'est ça. C'est la mise en scène de la vie quotidienne de la bourgeoisie juive new-yorkaise. Ce qui n'est pas dit texto. Ce sont des types de plus de 30 ans qui vivent comme des gosses. Hein, parce que ouais. Pas de mariage, pas d'enfants. Ils font les cons, ils font les débilos. Sont des mecs de 30 ans qui vivent comme des gamins de 20 ans. Il y a aussi dans le même genre, t'as Sex in the City aussi. Ah bah là par contre c'est le seul. Là c'est trace. Là on là, vous met juiverie, on vous met le truc quoi, c'est carrément c'est le sexe dans la ville, c'est-à-dire que le topic c'est le sexe. Deux des actrices principales sont des juives. C'est très autobiographique au fond, hein, par exemple Sex in the City. Le problème c'est que ça déborde. C'est que c'est des séries qui sont ensuite diffusées partout. Et on a l'impression que c'est le... Parce que c'est toujours pareil. Bon, ça, c'est une critique, on va dire, c'est une critique un peu d'extrême-gauche du truc. Mais on dit, bah oui, la bourgeoisie crée sa culture. Et ensuite, cette culture dégouline sur les classes populaires, en fait. Et ceux qui fixent le standard de la culture, c'est ceux qui possèdent les moyens de production de la culture. D'accord ? Donc, on va me traiter de marxiste. Mais bon... le fait est que les Juifs aux États-Unis, que ce soit à New York ou à Los Angeles, et encore plus maintenant avec la Silicon Valley, possèdent les moyens de production de la culture. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont. Ils parlent de leur vie quotidienne. Et ça transparaît énormément dans ce genre de série. Et le problème, c'est que ça a un effet d'entraînement. Parce que les classes inférieures, au plan social, pensent qu'il faut copier. Ce modèle-là, c'est-à-dire que c'est le modèle de la réussite, si vous voulez. C'est ce que du bas, on regarde, enfin, on regarde vers le haut, quoi, quelque part. On voit ça dans l'écran, je veux être ça, quoi. Alors, tout le monde ne veut pas être ce qu'il y a dans l'écran, mais vous me comprenez, quoi. Donc, il y a une influence énorme. Et justement, vous savez, ça revenait fréquemment, là, on faisait un peu de la sociologie, là, mais Fourquet, dont j'ai parlé souvent dans l'émission, il a fait son étude des prénoms, vous savez. Il a fait la France des prénoms, en fait. Il a dit, ben, en fait, il y a une explication sociologique à l'éclatement territorial et ethnique de la France. Et les classes populaires qui ont eu des gosses dans les années 80 et 90 ont donné les prénoms des personnages, des séries qui passaient à la télé, dont Beverly Hills. Vous vous rappelez de ce truc? Beverly Hills. Bien sûr. Donc, c'était les Brandon, c'était, vous savez. Et ça a énormément marché, et c'est pour vous dire à quel point ces séries ont de l'influence sur les gens, je veux dire. Donc on peut pas juste traiter ça comme du divertissement. C'est-à-dire, voilà, je regarde, 2 heures, j'éteins, et je renoue avec ma vie, et ça n'a eu aucune influence sur moi. C'est absolument faux. Ça a énormément d'influence sur les gens. Donc quand on voit donc le wokisme qu'on voit actuellement se répandre, là... on voyait déjà les thématiques, le féminisme, etc. Bon, déjà dans les années 90, ça pointait le bout de son nez. Bon, là, maintenant, c'est full steam, on est à fond là-dessus. Bah, faut pas se dire, ouais, non, mais vous savez, les gens, ils vont faire la part des choses. Non, dans les classes populaires, je veux dire, vraiment, donc la classe moyenne blanche ou vraiment les classes populaires, elles regardent ça et elles se disent, pour réussir dans la vie, il faut adopter ce genre de vie-là. Et c'est là le drame. C'est là le drame. Et puis ils ont tendance aussi à reproduire un peu des comportements, des schémas. Si vous matraquez 100 fois, 10 fois, 1000 fois le même schéma de comportement, les gens finissent par trouver ça normal. Je parlais tout à l'heure de Scrub et des meufs qui ont des comportements chiants, voire hystériques, et on conditionne l'homme à trouver ça normal. La meuf, si elle voit ça dans sa série Scrub pendant 9 saisons, qu'elle voit la même chose dans une autre série, comme ça pendant des années, au bout d'un moment, elle finit par le faire en vrai. Il y a vraiment un effet conditionnant dans tout ça, par le matraquage. Ouais. Combien il y a de bougnoules de cité qui se prennent des rôles qui n'ont pas par rapport à leur personnalité? Parce qu'ils ont regardé Scarface une 20aine de fois. Ouais, voilà. Scarface, ouais. Bien sûr, ça n'a qu'on été conditionné. Ça, c'est terrible parce que Scarface, c'est un... ça, c'est frappant. Ou le parrain, d'ailleurs. Hein. Et, c'est... D'ailleurs, c'est marrant, c'est Al Pacino qui, pour être sicilien, a quand même une tête d'arabe. Hein, faut... je veux dire, c'est un fait. Hein, je veux dire. Il a. Il y a des traits qui reviennent, qui rappellent le Maghreb, quoi. Je pense que c'est pas pour rien que beaucoup de Maghrébins s'identifient soit au parrain, soit à ça. Mais c'est des films qui ont quand même 50 ans, quoi. Le parrain, c'est 72, 73. C'est pas du tout des films d'aujourd'hui. Alors, ils sont très bien faits. Je veux dire, le parrain, c'est bien filmé, quoi. Mais c'est des films assez classiques dans leur facture. Et ça a quand même encore un pouvoir suggestion sur ces populations-là qui est absolument sidérant. Quoi. D'ailleurs, je pense que ces gens n'ont pas compris le film. Hein. Parce qu'ils... Vous savez, des fois, moi, je regarde les histoires d'investigation criminelle, les mecs qui disent du shit ou de la coke, et puis il y a les flics qui toquent à 6h du matin, puis donc ils lèvent des bougnoules ou des négros comme ça. J'aime bien regarder ce petit genre de reportage, ça m'amuse un peu. Et donc, à chaque fois, les mecs, ils sont dans une piole de 2 mètres carrés où il y a des posters de Scarface partout sur les murs. Et ces gens, ils ont juste pas compris le film, quoi. C'est-à-dire que c'est un divertissement, Scarface. Avec le temps, je trouve assez mauvais, d'ailleurs. Où finalement, bah, le méchant est puni. Oui, ça finit mal. Il monte très, très haut, très, très vite. Et puis, à la fin, il est buté. Sa sœur est tuée. Ça serait tué par lui-même d'ailleurs, son meilleur pote est buté, il finit ruiné et puis il crève. Et eux, en fait, ils ont retenu peut-être que, non, mais, que je sais pas, non, les 50 premières minutes où le mec il deal de la coke et il se fait du blé. Mais mec, il y a des conséquences à tout ça, quoi. Comme le parrain d'ailleurs, hein, le parrain à la fin, Al Pacino il finit seul et puis sa fille est tuée et puis il est triste, quoi. Voilà, et puis il crève. En passant dans le premier parrain, ce qui a provoqué, puisque chaque parrain ou presque finit par une scène de massacre, ce qui a provoqué les problèmes, c'est le refus du parrain de vouloir entrer dans le jeu de la drogue. Il voulait se limiter au casino, ce qui est très très drôle hein, quand on voit l'activité des Maghrébins. c'est juste, ouais, ouais. Et ouais, il y a un moment, il dit non, il faut pas rentrer dans ce business et tout. Ou alors, et puis finalement, il faut le dealer avec les nègres, etc. Ouais, c'est juste. Mais là, j'ai regardé, je voulais en parler d'ailleurs. Hopman voulait prendre la parole. Je lui donne la parole parce qu'il voulait la prendre, il voulait dire un truc. Non, c'est bon, vous avez dit suffisamment de choses, t'inquiète. Un truc dont on m'a pas parlé, mais c'est comment à partir, je pense, des années 80, comment ils ont fait pour rendre les nègres sympas. Ah oui. Et ça, je pense que ça a commencé avec Arnold et Willy, ça. Oui. C'est ce que j'appelle le nègre rigolo. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils l'ont vendu au départ. C'est le personnage d'Axel Foley. Ah oui. Dans le flic Beverly Hills. Il est simple. Le nègre, il est sympa, il est rigolo, il danse, il fait des blagues, il fait des mimiques. C'est le compère de Mel Gibson, dans L'Arme Fatale. Le truc, c'est que quand tu te mets dans le contexte américain de l'époque, parce qu'il y a eu parce que ça, il faut en parler, les gens ne savent pas. Mais aux États-Unis, pour les Noirs américains, le mouvement gauchiste des années 60 sur la libération sexuelle et la libération, la libéralisation de l'usage de la drogue, l'affaissement en fait des valeurs chrétiennes aux États-Unis aussi, a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les Noirs américains avaient des cellules familiales. Ils avaient des cellules familiales. Et les Noirs américains essayaient de caler leurs modèles sociaux sur les Blancs. Et après les années 60, avec la révolution gauchiste, ce qui s'est passé dans la population noire américaine, c'est que ça a été la destruction de la famille classique, si vous voulez, et on a basculé dans le nègre du ghetto. Alors, il y avait déjà des nègres du ghetto, bien sûr, bien sûr, mais ça s'est complètement généralisé, c'est-à-dire le gangsta, quoi. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de famille de nègres, ça n'existe plus. Les valeurs chrétiennes, elles ont été... Enfin, Il y en a, hein. Il y a encore beaucoup de Noirs qui vont beaucoup à l'église, etc., aux États-Unis. Mais je veux dire, ils en ont énormément souffert, quoi. La destruction de la cellule familiale et des valeurs, des grandes valeurs chrétiennes qui permettaient aux Noirs de s'organiser, ça a été catastrophique aux États-Unis. Là-dessus, il y a eu la dope à mort. Et alors, le pompon, ça a été le rap, quoi. Qui fait l'apologie, justement, des flingues, des putes. Et du trafic de drogue. Et regardez, ça fait depuis 50 ans que les Noirs aux États-Unis sont exposés à cette culture-là, alors, notamment par les producteurs juifs. Hein. C'est les producteurs juifs qui font énormément d'argent avec ça. Et ça vous donne Chicago. Alors Chicago, quand on parlait de Chicago dans les années 20-30, c'était parce que c'était les Ritals et les Juifs qui réglaient leurs comptes à coups de mitrailleuses, et aujourd'hui, enfin de mitraillettes. Et aujourd'hui, bah, c'est les nègres, parce qu'il y a plus, il y a pratiquement, enfin, les blancs ont été complètement dégagés, et maintenant c'est les nègres qui s'entretuent, quoi. Je veux dire, c'est absolument terrifiant. Et pour revenir sur ce que tu disais, Poro, là, le noir, j'en dis, bah, le noir, c'était une figure positive à l'époque. C'est-à-dire que c'était la figure du noir qui s'insérait dans la société américaine, ok, et où il pouvait occuper un rôle positif, etc. C'est ça qu'il voulait faire. L'intention était assez paternaliste, mais elle n'était pas maléfique. Mais on essaie aussi de dire aux Blancs, ouais, les gars, alors évidemment, les Juifs, ils avaient une pensée, ils disaient, ouais, il est temps d'accepter les Noirs un peu partout. Mais la vraie vague de destruction, c'est après les années 80. C'est quand il y a eu vraiment les... Bah, là, maintenant, c'est le festival, parce que maintenant, on vous fait des films aux États-Unis où on excite les Noirs à haïr les Blancs. Tarantino a fait un film comme ça, il y avait un autre truc, enfin, ils n'arrêtent pas, quoi, je veux dire. Et là, c'est carrément poussé à la haine. C'est vraiment poussé à la haine raciale, ce qui, évidemment, ne résout rien, parce que quand vous connaissez un peu les États-Unis, les Nègres, de toute façon, sont... Enfin, les Noirs vivent entre eux, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'interaction, il n'y a pas de zone mixte, c'est pas fréquent, quoi. Et donc, en fait, quand t'excites les Noirs à la haine comme ça, ça résout rien. C'est-à-dire que les mecs, ils sont juste en train de bouillir dans leur ghetto, et ça les fait pas avancer d'un centimètre. Mais il n'y a plus de trucs positifs pour eux qui leur aient envoyé comme message. C'est juste, les gars, faut haïr les Blancs. Et évidemment, vous savez qui c'est qui leur donne ce genre de message. Mais c'est terrifiant ce qui s'est passé pour la communauté noire aux États-Unis. C'est absolument effrayant. Ça, c'est le résultat du gauchisme. Hein. Les Noirs étaient beaucoup plus heureux, paradoxalement, dans une société ségrégée américaine, chrétienne, où chacun avait sa place et devait se tenir à sa place. C'est-à-dire que les Noirs avaient des familles, ils avaient des communautés, ils avaient des leaders d'église, etc. Tout était très carré. Maintenant, ouais, officiellement, ils ont l'égalité. Bon, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? La dope est partout, les nègres s'entretuent, bon, voilà. Ouais, parallèle à faire avec l'Afrique du Sud, quoi. Ouais, mais donc, les Noirs positifs, ça, c'est 70, 80... c'est là qu'ils ont commencé à dire qu'il fallait mettre... Alors, ça donne les trucs classiques. Dans Starsky et Hutch, c'est le commissaire est un noir. Dans Le Flic de Beverly Hills aussi, ouais. Il y a souvent des détectives noirs, ce qui ne correspond pas à la réalité, d'ailleurs. Non, mais on les met, il y a eu des ordres. Alors, maintenant, c'est vraiment obligatoire, parce que maintenant, ils ont des quotas et tout. Ils ont des quotas depuis un bon moment. Mais maintenant... C'est pratiquement obligatoire d'avoir des... Par exemple, quand il y a des films sur l'armée, les généraux en chef vont être obligatoirement des Noirs. C'est-à-dire que ça va être presque incontournable, quoi. Juges noirs aussi. Dans le cinquième élément, rappelez-vous Luc Besson, parce que Luc Besson a essayé d'exister aux États-Unis, si vous en rappelez, avec Le cinquième élément notamment, et il met en scène le président des États-Unis dans un futur hypothétique, et c'est un Noir. Vous voyez ? Donc les Français ont aussi à contribuer à leur petit niveau Ils ont franchi une étape supplémentaire. Je viens de regarder une série qui vient de sortir, l'adaptation d'un roman d'heroic fantasy, La Roue du Temps. Et dans La Roue du Temps, qui est donc évidemment comme se passe normalement dans un monde aryen, puisque c'est de l'heroic fantasy, donc ça part de Tolkien, donc voilà. Dans la série télé, ils ont trouvé le moyen de métisser tous les villages. Donc dans tous les villages, tu as des Noirs, des Arabes, quelques Blancs aux yeux bleus, mais pas trop. Et partout, c'est métissé. Alors, ouais. c'est formidable. Ah, métissé au cosmopolite. On en parlait un peu avant l'émission pour Le Seigneur des Anneaux, là, vu qu'Amazon a racheté les droits pour nous pondre... je crois que c'est cette année, d'ailleurs, qu'ils vont nous pondre une série de... Je crois que c'est des films, hein, du coup. Hein. Ils ont une série, et je crois qu'ils ont un film aussi, pour Le Seigneur des Anneaux, où, en fait, c'est annoncé d'avance que il y aura des elfes noirs, que les orques... C'était une blague qu'on disait il y a quelques années, ça. Hein. On disait, les orques, vous allez voir, ils vont essayer de nous faire des orques blancs parce que les orques noirs, c'est raciste. En fait, la blague est devenue réelle, quoi. Les orques albinos. Il y en avait déjà des orques albinos, en fait. Non, mais... c'est récemment, il y a eu une grève par des scénaristes LGBTOïdes Travelo aux États-Unis qui crisaient parce que X, Y, je sais pas quoi. Et tu voyais la gueule des mecs qui écrivent les séries. Et c'est absolument effrayant. Donc il faut bien comprendre qu'on a. Comme ils ont envahi Google et comme ils ont envahi YouTube, etc., et qu'ils fixent ensuite leurs standards et leur maladie mentale, parce que là on est en pleine psychiatrie. Ils le font de la même manière. Donc c'est vrai pour les questions raciales, c'est vrai pour les questions sexuelles. Les questions raciales, vous avez comme les États-Unis sont une société multiraciale et que beaucoup de pays occidentaux sont devenus multiraciaux, en tout cas en partie. Bon, ils arrivent à vendre le truc. Mais sur la question sexuelle, quand ils essayent de pousser la théorie du genre et tout, là, ça choque quand même énormément de monde, quoi. Bon, clairement, en France, chez les musulmans, c'est, par exemple, ça passe pas, quoi. Ça passe pas du tout, quoi. Donc, je suis pas sûr que sur cette question-là, ils y arrivent, quoi. Alors, mais ils martèlent, ils bourrinent. Et ça rend les films irregardables. Enfin, là, j'ai plus de souvenirs en tête. Ils essayent de plus en plus de mettre en avant des scènes, même en passant. Le truc le plus caricatural, c'est Harry Potter. Ou comment dirais-je, ça c'était celle qui avait écrit, hein, c'est Rowling qui avait écrit et expliqué ça, c'est qu'il y avait certains de ces personnages qui en fait étaient des homosexuels, quoi. Donc elle avait voulu faire plaisir. Depuis en fait elle s'est fait blackbouler parce qu'elle a dit qu'un homme était un homme et une femme était une femme parce qu'elle est féministe. Et maintenant elle est estampillée transphobe et elle est cancel maintenant. Donc Rowling qui était une infâme gauchiste qui a essayé de souiller l'âme des millions de gamins qui ont lu ses bouquins, par tous les moyens, elle a essayé de leur saloper l'âme, cette saloperie. Mais elle est encore un cran de retard parce qu'elle est trop féministe par rapport aux travelots. Donc, quelque part, la suprématie masculine risque d'être rétablie par les travelots. Vous voyez ? Les secrets de la dialectique, ça serait... Ouais, du coup, encore un autre exemple qui montre très bien la différence énorme qui existe entre ceux qui produisent les contenus, ceux qui les consomment, et à la fin, ça donne des incompréhensions. Donc, on a parlé de Sex and the City pour valider cette incompréhension. Moi, il y avait un truc qui m'a toujours paru complètement incompréhensible, c'est tous les films de merde de Woody Allen. D'accord ? C'est vraiment de la merde, mais alors, c'est vraiment le degré zéro du cinéma, quoi. Avec des critiques qui sont complètement dithyrambiques. Bon, Woody Allen est juif, donc ça peut aider. Hein. Le public bobo valide à mort, mais le public normal, il regarde ça et dit « Qu'est-ce que je viens de regarder, quoi ? J'ai vraiment perdu mon temps et mon argent. » Ça, c'est criant. Ouais, et d'ailleurs, vous qui parliez de Sex and the City et puis de l'effet que ça a fait, là, les États-Unis, ça va être pareil chez nous, on va être confronté à... une problématique qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent, de par le nombre quasi exponentiel de personnes que ça touche, c'est le nombre de pétasses entre 35 et 45 ans qui se sont défoncés au travail, qui se sont fait défoncer la rondelle toute leur entre guillemets jeunesse et même après, et qui vont se retrouver seuls, aigris. Avec des chats, et qui vont avoir quand même un poids important dans la société à travers soit des soit leur position en entreprise, soit leur position excusez-moi, sur leur position en métapolitique à travers les blogs, les posts et compagnie, où tu as toujours des connasses comme ça, ou les vidéos YouTube, hein, parce que on n'a pas parlé de YouTube, mais YouTube c'est pareil, hein, ça engraine les gens, quoi. Ou même les partis politiques, hein, avec des gens comme Marine Le Pen. Aussi. Diffamation, c'est clair qu'elle se pose là, quoi. Comme quoi, mais du coup, maintenant que Hopman dit ça, mais je pense que ça me donne une idée. On pourrait essayer de doubler les juifs, puisque Sex and the City a amené à avoir des femmes de 40 ans seules et aigries. On pourrait lancer notre propre série Cats and the City. Cats and the City, ouais. Ça serait pas mal, ça. Pour revenir sur les noirs rigolos, il y avait un noir charismatique, enfin qui s'est fait connaître comme noir charismatique, c'est Barracuda dans l'agence touriste, je veux dire. Ah oui, oui c'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est un gros costaud, mais il jouait le rôle d'un gros nounours, vous savez. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un cœur tendre sous une épaisse couche de muscles, et c'était des noirs comme ça qui étaient vendus, quoi. Ça marche toujours, la 24. Ou Arnold et Willy, j'ai parlé d'Arnold et Willy. Alors, Arnold et Willy, ça a été un effort conscient. Hein. Ça a été, la série a été conçue vraiment pour changer l'image véhiculée par les Noirs aux États-Unis. Donc, Arnold et Willy, bon, ça, c'est des vieilles séries. Hein. Ça, c'est les années 70-80. Donc, ces deux frères noirs adoptés par une riche famille new-yorkaise, justement. Mais dont on pourrait se demander à juste titre, alors officiellement c'est Monsieur Drummond, hein, mais on pourrait se demander si c'est pas le juif en fait, au quelque part. C'est un peu la trame du truc, quoi. Mais ça a beaucoup marqué, quoi. Le prince de Bel Air, dit Alexis. Le prince de Bel Air, bah ouais, c'est ça. Avec Will Smith, bien sûr. Ah ouais, Will Smith, il a fait sa carrière là-dessus, il a fait sa carrière sur le prince de Bel Air. Qui met en scène quoi? Alors, il y a Will Smith, en fait, il va chez son oncle et sa tante, mais son oncle et sa tante sont des bourgeois noirs américains. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont réussi dans la vie. Et encore plus, parce que c'est même assez marrant, c'est en fait, ils sont du... Le tonton est un juge. Donc, il est du côté de la loi, alors que les noirs sont tous en taule, vous voyez. Et donc, ils représentent l'ordre oppressif, quoi. Et en fait, il y a une espèce d'inversion complète. Alors, il y a Hillary qui est la fille, vous savez, c'est la cousine de Will Smith dans le truc, qui est une espèce de bourgeoise finie avec accent. Ils ont un domestique qui a pris son boulot en Angleterre. Ça donne des scènes. Mais c'est marrant, je veux dire. Mais il a bâti son. Mais là encore, c'est positif. C'est-à-dire que c'est pas dévalorisant, c'est pas péjoratif. Vous voyez, il peut y avoir un petit côté un peu caricatural, bien sûr, évidemment. Mais ça ne se veut pas réaliste à outrance, quoi. Je suis obligé de préciser, parce que c'est quand même une émission de démocratie participative, que Will Smith a aussi fait le film Independence Day, qui dépeint donc la fin de la Terre, mais les humains sont quand même sauvés à la fin par un juif. Enfin, c'est grâce à un juif. Et un noir. Bah oui. Forcément. Mais en fait, même par deux juifs, parce que tu as le juif qui va détruire les extraterrestres dans l'espace, et tu as le juif qui se sacrifie avec son avion sur le champ de bataille. Moi, je parlais du juif qui dit « Ah, mais attendez, j'ai une idée, si jamais on leur donne un rhume, je sais plus quoi, eh ben, on arriverait à leur péter la gueule. » Voilà. Bah, en même temps, en tant que descendant d'empoisonneur de puits, il était bien placé. Il avait de l'expérience. J'aimerais qu'on reste quand même un peu sur les années 80, sur ce côté en fait bon enfant, même s'il y avait des productions un peu à contre-courant. Alors typiquement à contre-courant, par exemple, il y avait Kubrick, Full Metal Jacket, c'est quand même assez à contre-courant sur le thème de la guerre. Mais il y a les films de Clint Eastwood qui sont des valeurs sûres quand même, je trouve. Qui sont des. En général, hein, d'accord. Et puis sa production a évolué au fil du temps, il n'a pas toujours été scénariste. Mais dans les films auxquels il a participé, il y a quand même souvent la volonté d'incarner, justement, d'assumer le fait d'incarner des archétypes. Un peu la John Wayne, vous voyez. c'est bien le peloton de recours. Moi, pas comprendre. Toi? Non, habla. Sergent Terrier Highway. J'ai descendu plus de bière, ramassé plus de pêche, baisé plus de poufias, émasculé plus de mecs. Que vous tous ici, bande de pleusailles. Le commandant Powers m'a confié le commandement de ce peloton. On s'arrange très bien tout seul. Tout ce que tu sais faire tout seul, c'est les cartes de géographie. Vous y laissant les mains pleines. Ça, c'est bien vrai. Vous ne me faites pas peur. En section de reconnaissance, on est des bêtes. En haut. Tas de gonzesses, si vous croyez que vous pouvez glander parce que votre ex-sergent était une feignasse. Un vieux rond de cuir qui lui fait des journées, ben les playboys. Terminé, vous allez devenir des Marines et auto. On t'a sonné, toi? Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutous sous la douche, tas de cons. Et j'ai pas envie de crever la gueule ouverte dans un bled à pétaouchnok parce que vous nous habla, comprenez? À vous en! Toi? Oui, sergent. Ne dis pas que t'as de la vertu, moi je te dis que t'as un beau cul. Tiens, tiens, tiens, tiens. Je suis là pour vous dire que la petite vie pépère que vous avez connue, c'est fini. Ce soir, vous avez intérêt à aller faire la farida. Marrez-vous un bon coup, défoulez-vous un petit coup, frottez vos petits vermicelles pour tirer un dernier coup, ou allez vous taper une pignole. Passez-vous tous vos caprices parce qu'à 6h00 demain, vous êtes à ma pogne. John Wayne était un mec vraiment de droite dure, hein. C'était un, c'était un grand acteur, John Wayne. Vous aviez à l'époque à Hollywood justement une droite blanche assumée. J'utilise le mot, hein, une droite blanche vraiment assumée qui essayait de véhiculer des messages positifs pour l'homme blanc dans le cinéma américain, ce qui généralement se faisait de manière très concluante d'ailleurs. Et Clint Eastwood, il a fait quand même quelques films qui sont pour moi notables. Évidemment, il y a Dirty Harry, donc l'inspecteur Harry. Et il y en a d'autres qu'il a fait plusieurs, mais est-ce que c'est-à-dire que le flic, alors le flic qui s'occupe d'affaires de mœurs, de crimes, hein, je veux dire, c'est marrant parce que quand on regarde les films d'Inspecteur Harry par exemple, le flic fait son boulot de flic, c'est-à-dire qu'il s'occupe des trucs de flic, vous voyez, il s'occupe pas de vérifier les masques des gens, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il s'occupe d'aller retrouver un salopard de violeur, et en fait, c'est un peu l'effet cathartique du film, c'est que tout le monde a envie que Dirty Harry sorte son 357. Non, il a un 44 Magnum, Dirty Harry, autant pour moi. Il sort son 44 et il bute le violeur ou le malade après lequel il court. Mais ils sont vachement bien faits, ces films. Et il y a des trucs qui sont vraiment politiquement incorrects, hein. Il y a des scènes qui sont très très politiquement incorrectes, des trucs qui sont infilmables aujourd'hui, infilmables. La fameuse scène du café, enfin, où Harry désingue trois nègres, quoi. Avec son Smith & Wesson. Est-ce que vous en parlez de ça? C'est un petit peu, pas nécessairement des films de Clint Eastwood, mais de l'homme blanc et de son flingue, en fait, c'est ça, c'est l'homme blanc et son flingue, que ce soit avec les films de cow-boy ou les films de flics. C'est vraiment les films de flics, c'est dans la prolongation des films de western, en fait, et c'est on va dire c'est le Silver Age de l'homme blanc, du film de l'homme blanc, puisqu'après on a bien sûr les films d'action qui vont jusqu'à années 90, et puis après bah c'est le champ du cygne, quoi. Alors justement, si vous êtes fan de Pierre-Yves Rougeron et autres souverainistes, je vous conseille bien sûr la trilogie de Bruce Willis, hein, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre et Une journée en enfer, puisque là, les méchants, ce sont les Allemands. C'est vrai en plus. C'est vrai. Mais, non, mais pour revenir sur Dirty Harry, c'est l'archétype du flic redresseur de tort. Mm. C'est le justicier. Oui, c'est le vigilante. Il y a aussi Charles Bronson qui va camper ce genre de personnage. Et effectivement, ça fait partie encore d'une époque où il y a des archétypes d'hommes blancs forts et positifs. Mais dans Dirty Harry, dans des films, c'est des début des années 70, tu as déjà une critique de la discrimination positive, mais c'est pas par rapport aux minorités raciales, hein, c'est par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Harry arrive dans un bureau et on lui explique qu'on a collé une rombière pour gérer le truc, et il dit « Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? On va aller où avec ça, quoi ?» Nous devons voir 50 candidats. Combien de places vacantes ? 8. Il y aura 5 hommes et 3 femmes pour un mieux inspecteur dans ce groupe. 3 femmes ? Voyez-vous une objection, inspecteur ? Qui êtes-vous, madame ? Pardon, c'est Madame Gray du service social de la ville. Elle vient ici pour surveiller les examens oraux. C'est l'inspecteur Callaghan. Ah oui, j'ai entendu parler de l'inspecteur Callaghan. Et je tiens à vous dire, inspecteur, que notre maire a l'intention d'exiger avec la plus ferme détermination que les services de la police suivent les grands courants de pensée de notre siècle. De quelle façon arrivera-t-il à ce résultat, Madame Gray ? Voilà, je dois vous dire que monsieur le maire a l'intention de mettre l'accent sur une plus grande participation des femmes dans les services de la police. Mais c'est du dernier galant. Je crois qu'il a ajouté qu'il tenait également à éliminer les hommes de Néandertal des équipes d'inspecteurs. Bon, nous n'avons pas encore fini. Au suivant. Agent Moore. Oui, chef. Vous le savez, nous abordons le stade final de votre examen. C'est un test en dehors des règles habituelles. Nous voulons connaître votre rapidité de réflexion, vos réactions dans des circonstances pressantes, votre capacité pour appliquer la loi dans l'hypothèse d'une situation inattendue. D'accord ? D'accord. Vous êtes dans la police depuis quand ? 9 ans. Dans quel service ? Surtout au personnel et aux archives. Personnel et archives ? Oui, chef. Harry. Désirez-vous interroger le candidat, inspecteur ? Interroger. En combien courez-vous le 100 mètres ? Callaghan, vous connaissez cette commission. Vous savez comment elle fonctionne. C'est exact, je regrette. Vous savez que si vous devenez inspecteur et si on applique les nouvelles directives, vous risquez d'avoir à piloter une voiture de patrouille. Et c'est ce que j'espère bien faire. Voyons, agent Moore, pouvez-vous nous raconter de quelle manière vous avez fait une arrestation difficile ? Je n'en ai jamais fait de difficile. Eh bien, pouvez-vous nous dire comment vous avez fait une petite arrestation courante ? Je n'ai jamais fait non plus d'arrestation courante. Et vous avez le cran de venir concourir pour une place d'inspecteur quand tant de nos hommes ont déjà fait 15 ans de service dans la rue ? La femme au foyer. C'est ça que vous êtes en train d'essayer de nous proposer. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, la police ? Un salon où on papote ? J'aimerais savoir ce que l'agent Moore fera quand elle aura un revolver sous le nez et qu'on lui dira « Allonge-toi par terre, putain !» Vous essayez délibérément de faire recaler cette candidate, Callaghan. Eh ben, il vaut mieux qu'elle échoue. De cette façon, elle garde son cul à l'abri. C'est mon cul. Et ma dévaine. Seulement, dans la voiture, vous ne serez pas seul. Et si vous vous faites descendre, l'autre se fera descendre avec vous. Et ce sera foutrement cher pour avoir fait de la galanterie. Et il y a aussi le rôle des politiciens qui est montré que les politiciens sont des lâches, soucieux de l'image qu'ils donnent, et en fait, qui n'en ont rien à foutre de faire le boulot pourquoi ils sont élus à la base, c'est-à-dire de protéger les gens, quoi. Monsieur, ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Compris ? C'est contraire à ma politique. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention ? Elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Et c'est marrant parce que Harry, il doit trouver un moyen pour faire son boulot de bricoler avec la loi. C'est-à-dire qu'il doit savoir comment, dans ce milieu complètement pourri, il doit savoir, pour atteindre son but, comment naviguer, comment tordre la loi, etc. Et ce qu'on n'a pas aimé, parce qu'il a été vachement critiqué pour ce film, la gauche, en fait, l'a énormément critiqué pour ce film, c'est d'avoir essayé de justifier l'arbitraire policier. Alors, c'est vous dire ce que dit la gauche aujourd'hui n'a rien de nouveau. Un arbitraire policier, vous voyez, c'est la critique de la gauche, c'était ça, quoi. Et donc, Eastwood a essayé de montrer à l'écran ce qu'était vraiment le job d'un flic américain en Californie entre des impératifs de politiciens stupides et des vraies ordures qui circulent dans les rues. Des gens vraiment dangereux, quoi. C'est-à-dire soit des tarés, soit des violeurs, enfin des types qui sont des prédateurs. Et comment tu fais dans ces circonstances-là pour neutraliser les prédateurs quand tu as des gens comme ça au-dessus de toi, voilà. Et ce film, il est increvable. La trame de l'histoire est increvable. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde les films un peu de justiciers qui sont sortis après, il y en a deux qui me viennent en tête et qui sont d'un bon niveau, hein, je parle pas des navets. C'est un film avec Mel Gibson, La Rançon, hein, Mel Gibson dont on pourrait parler puisque c'est encore un des derniers acteurs à porter ses couilles, et bien sûr la série Deacon avec, puisqu'on y revient encore, Liam Neeson. Ouais. Et là, contrairement à l'inspecteur Harry, on est face à des gens qui justement s'affranchissent de la loi, s'affranchissent de la société pour se faire justice eux-mêmes. Là où chez Harry, il y a, comme tu dis, cette tension entre le devoir de flic qui le raccroche à un ordre social et sa volonté d'être moral et de rendre la justice du mieux qu'il peut. L'inspecteur Harry, si je dis pas de bêtises, il y a eu 3 films. Et Death Wish avec Charles Bronson, il y en a eu 5, mais les quatre premiers ont été faits dans une fenêtre de 10 ans environ, et ça exprime quand même déjà un succès commercial, parce que sinon il n'y aurait pas eu de suite. Et s'il y a succès commercial, c'est quelque part c'était bien fait, mais aussi certainement qu'il y avait que ces films là la population se retrouvait dedans, en fait c'était cathartique, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on souligne peut-être pas, enfin c'est quelque chose qui est embêtant, moi je trouve personnellement, avec le cinéma, c'est-à-dire que ou les séries, c'est-à-dire que étant donné c'est cathartique, quelque part, on n'agit pas. On n'essaie pas de faire changer les choses parce que on a des moyens de relâcher les soupapes. C'est-à-dire que ça soit le cinéma, que ça soit les séries, que ça soit la lecture, que ça soit pour certains la drogue, le sexe, que ça soit le sport, je ne sais quoi. Et en fait, autant ce sont des vecteurs qui peuvent être très intéressants, hein. La lecture permet de développer ou de maintenir son niveau de langage, quel qu'il soit. Le cinéma permet de voir à l'écran des œuvres qu'on n'arrivait peut-être pas à imaginer ou qui étaient tellement emblématiques qu'elles devaient être adaptées pour le plus grand nombre. Mais j'en reviens à ce point fondamental, c'est que cette énergie-là, malheureusement, lorsqu'elle est consumée à travers des actions qui ne sont pas créatrices, qui ne permettent pas la naissance de mouvements ou de directives, d'initiatives, ben c'est une perte pour la société. Et c'est pour ça que moi j'ai un rapport qui est assez ambivalent avec le cinéma, parce que d'un côté, comme tout le monde, je me retrouve dans certaines œuvres, hein, bien entendu, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous empêche parfois d'aller plus loin. C'est-à-dire, autant ça va nous empêcher parce qu'on est conditionné. Donc, quand on nous conditionne, ce que je disais tout à l'heure, quand on nous insensibilise au mal, quand on est habitué à la pourriture ambiante, on fait avec. C'est ce que nous disent beaucoup de gens qui relativisent, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit pour les questions d'immigration, que ce soit de vaccination. Ah, mais je peux pas, oui, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, c'est les effets pervers du cinéma, bref. Le débat classique, est-ce qu'entre en quelque sorte le côté politique du cinéma et le côté divertissement, c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité. On oppose très souvent sur ce sujet l'art dans la Grèce antique, notamment à Athènes, avec le théâtre et sa tragédie. On l'oppose aux jeux du cirque de Rome, qui ont donné en latin le mot ossium, qui signifie en substance divertissement, passe-temps, loisir. Et c'est vrai que, quelque part, le cinéma ne s'échappe jamais de ces deux ordres, hein, comme on a essayé de le décrire dans l'émission. Tout film comporte une part de morale, ce qu'était l'art chez les Grecs, hein. Comment peut-on résumer l'art de la tragédie? Ben, la tragédie est une forme de sas de décompression, ou encore elle forme avec la religion et la politique les trois sommets de ce qui permet le lien social et la constitution d'un corps politique, on va dire, cohérent au sein d'une société. Or, chez les Romains, bah, il est évident que les jeux du cirque n'ont pas d'objectif politique a priori, et bien qu'il y ait eu des factions, on va parler de la sédition de Nika, etc., mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que ça ne donnait pas lieu à des débats, des questionnements sur la morale, l'ordre social, la hiérarchie du pouvoir, etc. Or, il est évident que le cinéma actuel a ceci de particulièrement vicieux, que sous couvert divertissement, sous un divertissement qui se veut comme quasi exclusif, hein, les films Marvel sont un excellent exemple, c'est un cinéma éminemment moral, éminemment calibré. C'est comme si à Rome, on décidait de mettre des chevaux noirs ou des chevaux blancs en fonction de considérations sociales. Hein. Imaginez ça au jeu du cirque. Voilà. Pour dire que c'est ancien, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est pas apparu avec le XXe siècle, c'est apparu avec le retour d'une forme de culture de masse, qui effectivement, depuis la chute de l'Empire romain, avait pratiquement disparu au bénéfice de la culture populaire, et est réapparu à partir du XIXe siècle, et surtout au XXe avec l'avènement de cet art, si on peut dire, qu'est le cinéma. Oui, oui, c'est juste. Voilà, une petite... Non, mais c'est bien senti, ce qui fait que le rôle de l'État, le rôle de l'État est central dans la production de films et de la culture en général. Et même si les gens ont tendance à croire que en démocratie c'est pas le cas, c'est totalement faux. Prenez la France, le rôle de l'État dans la production culturelle est absolument énorme. Elle est même centrale. Aux États-Unis, on se souviendra. C'est pas différent aux États-Unis. On se souviendra particulièrement des épisodes de Plus belle la vie après les attentats du Bataclan, dans lesquels les scènes jouées, c'était le blanc dans le troquet, la blanche, et puis je sais pas, il y a un arabe, et puis c'était là en mode non, mais pas d'amalgame, ils sont pas tous comme ça, faut pas croire que. Bah ouais, c'est toujours dans Plus belle la vie. Ouais. La même scène où t'as un gentil arabe avec sa copine blanche qui se promène et qui se fait ratonner par trois skinheads défoncés, quoi. Les fameux skinheads de Marseille, hein, qui terrorisent, c'est ça. Qui terrorisent les habitants, comme on le sait tous. C'est ça. non, mais bon. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire que l'État a ses impératifs, en fait. Et derrière l'État, ceux qu'il contrôle. Donc forcément, les gens qui contrôlent l'État savent, en France, je veux dire, mais c'est vrai aux États-Unis aussi, ils ont un impératif de leur point de vue. C'est de repeupler la France avec des allogènes. Bon, mais ça crée des problèmes interethniques. Il faut mettre la poussière sur le tapis. Bien. Donc, commande est passée auprès des producteurs de culture qui sont aux ordres de l'État et de ceux qui contrôlent l'État, d'envoyer des bons messages dans la population pour convaincre qu'il ne se passe rien. Ce qui nous donne, en dernière analyse, en bout de chaîne, je veux dire, pour le Kidam, ce que tu viens de décrire avec Plus belle la vie. Mais là, c'est Plus belle la vie, c'est vraiment pour la ménagère de plus de 50 ans, quoi, grosso modo. Hein, c'est le public visé. Donc, une fois qu'elle a vu ça, la ménagère, elle dit, c'est vrai, après tout, ils ne sont pas tous comme ça. Voilà. Ce que la ménagère va vous ressortir... Quand vous vous retrouvez, généralement c'est votre tante, pour les plus âgés ça peut être votre sœur, mais c'est ce qu'elle va ressortir quand elle vous invite à manger une dinde. Si elle vous invite encore, c'est-à-dire que si elle est pas tellement choquée par vos propos de raciste compulsif, si vous êtes encore invité à manger un baba au rhum, elle va vous ressortir ces conneries de ménagère qu'elle a simplement entendues à la télévision, voilà, sans s'en rendre compte. D'où le drame. Comme l'a très bien exposé, très bien rappelé Ziklombix, du propos à caractère politique ou moral sous couvert de divertissement. C'est-à-dire que ce que d'ailleurs Brzezinski avait appelé le tititainment. Hein. Tititainment, c'est un jeu de mots. Entertainment, qui veut dire divertissement, et titi, qui veut dire tits, qui veut dire les nichons, en fait, hein, en anglais. Donc, en fait, on dit, voilà, on met des nichons à l'écran, on divertit le public, et pendant que le public est diverti, en fait, il ne se soucie pas de questions importantes politiquement. Donc, bon, Brzezinski, c'était un des grands penseurs de la géopolitique américaine. On lui doit la guerre, la première, enfin, le soutien au Moudjahidine en Afghanistan, c'est vous dire si le mec avait... avait du nez. Donc ils avaient, enfin c'est des gens qui sont à la fois à la tête de démocratie, mais qui sont pas du tout des démocrates au sens plein entier du terme, c'est-à-dire qu'ils méprisent la population. Pour eux, en fait, ce sont des démocrates au sens plein et entier du terme, c'est-à-dire que ce sont des cyniques. Donc ils sont démocrates parce qu'ils connaissent les limites du système démocratique et parce qu'ils connaissent la façon dont fonctionne le système démocratique. Et qui savent que c'est un système très efficace pour mener les foules par le bout du nez. D'accord ? Donc, méfiez-vous de gens qui se revendiquent de la démocratie. Très souvent, ce sont des cyniques qui savent abuser des gens. De mon point de vue, il n'y a pas plus dangereux qu'un démocrate. Il n'y a pas plus pervers et vicieux qu'un démocrate. C'est une race absolument infâme. Qui a vraiment été amené sur Terre pour semer la mort et la dévastation. Quoi. Mais bon, bref. Mais alors justement, j'en profite. La franchise Kingsman, The Kingsman, c'est les hommes du roi. J'avais beaucoup aimé les deux premiers films parce que ce sont des véritables films d'action espionnage dans la veine d'un James Bond. Donc t'as des gadgets, t'as des agents entraînés spéciaux, t'as de la répartie, t'as de l'humour, t'as un peu de romance, même si dans Kingsman, la romance, elle est un peu vulgaire quand même à la fin. Et le setting est différent du setting habituel de James Bond parce que le protagoniste, en fait, c'est un prolo, quoi. C'est un prolo dont le père est mort en service commandé. Et ce pauvre petit prolo, il représente véritablement la destruction, hein, des classes moyenne et populaire de l'Angleterre, et il arrive, il va s'en sortir parce qu'on va lui laisser une chance d'intégrer l'unité secrète, en fait. Et il y a quelque chose aussi d'intéressant dans ce film, je vais pas essayer de trop en parler, c'est que il y a une trahison des élites. Donc quelque part, c'est à la fois un divertissement et à la fois c'est pour les gens de notre bord, c'est assez semblable à ce qui se passe actuellement. Voilà, il faut le savoir, hein, c'est écrit dans mes livres. Comment dire, j'ai vu le troisième qui, en fait, parce que c'est assez à la mode, ça, un peu comme Star Wars. Alors Star Wars, c'est pas pour cette raison, c'était pas intentionnel, hein. Ils ont fait les trois premiers, mais ils ont pas pris le début de l'histoire parce qu'ils ont dû choisir le moment qui leur paraissait le plus dramatique, et ils ont choisi le milieu, en fait, de l'histoire. Mais ça arrive qu'on fasse des flashbacks dans les franchises. Évidemment, on se dit, tiens, pourquoi on ne parlait pas de ce qui s'est passé avant. Le dernier des Kingsman, là, qui est sur les écrans en ce moment, hein. Donc il y a Ralph Fiennes, qui a joué donc dans La Liste de Schindler, donc on est raccord, donc qui est un grand acteur, hein, britannique, hein, il n'y a pas de problème, hein, bien sûr. Les Britanniques ont de très bons acteurs, ça, je le dis, ils ont d'excellents acteurs, ça, c'est, il n'y a rien à faire, les Britanniques savent jouer. Et ça raconte, en fait, la fondation de l'organisation du renseignement. C'est une organisation du renseignement. Donc, le Kingsman, c'est les hommes du roi, donc du roi d'Angleterre. Et donc, ça raconte un peu la genèse de l'organisation dont vient de parler Captain. Et alors, j'ai regardé ça avec beaucoup de plaisir, en fait, parce que c'est... là, ils ont mis un peu de cap et d'épée. C'est-à-dire qu'il y a des combats à l'épée. J'aime beaucoup les combats à l'épée. Et il y a un peu de tout, en fait. D'ailleurs, le réalisateur a été assez audacieux, puisqu'il y a à la fois de l'humour et du drame, ce qui est un mélange difficile à négocier. Les virages sont difficiles. Donc, il a tenté quelque chose, et ma foi, il s'en sort pas si mal. Mais ça pose la trame de l'histoire à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, la toile de fond de l'histoire, c'est la Première Guerre mondiale. Donc on va découvrir pourquoi et comment l'organisation a été fondée. Cette organisation secrète au service du roi d'Angleterre. Et donc ça se passe juste en 1913. Et ensuite, la guerre éclate, etc. Et j'ai été absolument frappé de voir comment était présentée la Première Guerre mondiale et ses prémices à l'écran en 2021-2022 pour un public occidental. Parce qu'on devrait se dire, et en toute logique, on va se dire qu'on pourrait entendre parler de versions critiques, nuancées, plus profondes, etc. Alors, c'est du divertissement, donc ça n'a pas vocation à être un documentaire historique, on s'entend. Faut que ça soit diverti, faut que ça amuse le public de tous âges, surtout les gamins, quoi. Donc, faut pas que ça soit lourd et indigeste. Mais, somme toute, le réalisateur choisit quand même de nous parler d'histoire. Donc, il fait des choix. Et là, ce qu'on apprend, c'est présenté de manière très caricaturale. Donc, en fait, la Première Guerre mondiale, elle se situe exclusivement en Europe. Il n'y a pas, si vous voulez, de racines à l'extérieur de l'Europe, notamment en Amérique. Il n'y en a pas. Il y a juste trois rois qui sont en fait des gens qui sont reliés par, par les liens de sang, ce qui est vrai, mais en fait qui sont des gens qui ne s'aiment pas. En fait. Donc, en fait, on psychologise la guerre. On dit, voilà, en gros, vous avez trois monarques qui se haïssent et qui vont déclencher une guerre simplement par inimitié. Mais en fait, se glisse dans cette inimitié une organisation maléfique qui pousse au crime, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une organisation maléfique qui s'introduit dans les cours respectifs des monarques, donc le tsar de Russie, le Kaiser en Allemagne et le roi d'Angleterre, et qui pousse les uns contre les autres pour déclencher cette guerre qu'ils souhaitent. Alors on pourrait dire, mais c'est pas mal, c'est assez subversif ça, ça voudrait dire que peut-être que l'histoire n'est pas celle qu'on nous raconte. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des forces qui, dans l'ombre, poussent à la guerre. Et alors oui, absolument. Mais le problème, c'est que dans le film, c'est pas les bonnes forces qui sont décrites. Alors le tsar est présenté comme un homme faible, influençable, sous la coupe de sa femme. Et sous la coupe de Rasputin. Bon, ça c'est une chose. Le Kaiser est présenté comme un homme narcissique et stupide. Ce qui est marrant dans le film, et c'est ce que je disais un petit peu à Hauptmann avant le début de l'émission, c'est que ce n'est pas intégralement faux. C'est-à-dire que le film ne s'éloigne pas trop de la réalité. Donc le tsar était faible, mais pas faible au point d'être caricaturalement faible. Je veux dire, il essayait quand même de diriger son empire. Mais il y avait des faiblesses fondamentales dans son système de gouvernement. Il était sous la coupe des aristocrates, disons. Mais c'est... On caricature. Alors, Rasputin, lui, on en fait un personnage tout à fait maléfique, alors que c'est plus ambigu que ça, Rasputin. Le Kaiser, stupide, mais stupide de manière vraiment très, très, très caricaturale. Il n'y a qu'un monarque qui s'en sort, devinez lequel ? Le roi d'Angleterre, évidemment. Donc le message sous-jacent, est vraiment démocratique. C'est-à-dire que les monarques et les monarchies sont stupides. Et il n'y a pratiquement pas d'autre explication au déclenchement de la guerre. Alors les États-Unis surgissent au bout d'un moment, en la présence du président des États-Unis, qui, lui, en fait, est un homme corruptible et faible, parce qu'il a des scandales avec des nanas avec lesquelles il couche, et qui, du coup, un peu une espèce de Clinton, si vous voulez, avant l'heure. Et du coup, il ne peut pas rentrer dans la guerre aux côtés de l'Angleterre parce qu'il est tenu. Et tout le rôle du service secret en question va être de permettre l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Angleterre parce que c'est ce qui peut empêcher l'Allemagne de gagner la guerre. Alors, le problème avec tout ça, c'est que c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est stupéfiant dans ce film, c'est que ça ne peut pas être anodin. Et en Grande-Bretagne, le gouvernement ne laisse jamais rien passer de cette ne laisserait jamais un soupçon de vérité passer à l'écran, quoi. Les services intéressés se manifestent toujours pour que ça soit écrit dans une direction. Et c'est absolument frappant de voir qu'on est qu'en 2022, on écrit sur la Première Guerre mondiale l'exact inverse de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les États-Unis ont été absolument moteurs dans la Première Guerre mondiale. L'oligarchie américaine a joué un rôle central dans la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne a joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'Angleterre et les États-Unis ont cherché la Première Guerre mondiale et ils ont tout fait pour l'obtenir. Et le but était la destruction de l'Europe. Et quand vous regardez le film, en fait, vous voyez exactement l'inverse. C'est-à-dire que les deux monarques phallos, c'est le tsar et le kaiser, qui grosso modo se valent et doivent être perdus, et c'est ce qu'on nous explique d'ailleurs dans le film. Le seul monarque qui doit être sauvé, c'est le roi d'Angleterre. Et comment ? Grâce à l'aide démocratique du président des États-Unis. Voilà. Et c'est l'inverse de la réalité. Et je voulais m'arrêter là-dessus simplement pour vous dire que le rôle politique du cinéma, même de divertissement, est absolument flagrant parce que sur des sujets qu'on pourrait penser ne plus faire débat, ni même polémique, tout est étroitement contrôlé. Et la vérité de conflits qui ont plus d'un siècle ne sont toujours pas expliquées aux masses. Voyez ? Et alors le truc, et je l'ai dit aussi avant l'émission, ce qui relève là pour le coup de l'exploit, c'est qu'on parle de la Première Guerre mondiale, la France n'est pas mentionnée. À aucun moment, la France n'est évoquée durant tout le film, alors qu'on est en pleine Première Guerre mondiale. On ne voit pas un soldat français, on ne voit pas un homme politique français, on ne voit nulle part mentionner la France de quelque façon que ce soit. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'a pas d'existence. Vous voyez ? C'est un drame qui se passe entre la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. C'est quand même fort café pour la Première Guerre mondiale quand on sait les pertes humaines énormes qu'a subi la France dans le conflit, quoi. Mais pourtant, c'est le cas, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est vous dire si ça joue un rôle, même dans du cinéma de divertissement, grand public, fait pour les familles. Et ça laisse des traces. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça laisse des traces sur la rétine et sur l'inconscient. Vous voyez ? Alors, j'étais un peu long, je veux dire, quand on voit le cinéma anglo-saxon et quand on parle de choses qui vont avoir un caractère politique, par exemple, ou même de conflits mondiaux, il faut être extrêmement prudent parce qu'on peut être sûr qu'il va y avoir des mensonges absolument gigantesques qui vont être diffusés tout le long, quoi. Moi, je voudrais rebondir sur les scènes d'Anastasia. Ah, mais ça, c'est une super question. Parce que j'y pensais. Non, mais je me disais l'évolution de l'archétype féminin à l'écran. Ah oui, ça c'est une catastrophe. Le nombre de films dans lesquels t'as des super gonzesses qui sont capables, en plus très souvent c'est très mal joué, de foutre à terre des mecs qui font deux fois leur poids, c'est catastrophique en fait. Ouais, parce qu'elles savent faire le coup de kung-fu du genou parallépipède à mon cul. Et ouais, en fait, ça c'est juste Hollywood hein, dans la réalité. Mais ça, j'ai lu un truc récemment justement sur des mecs qui font des statistiques sur comment se comportent les femmes qui ont subi des cours de self-défense aux États-Unis. Et ça, c'est catastrophique en termes de taux de survie parce que du coup, elles s'imaginent qu'elles prennent des risques au lieu de, je sais pas, chercher du secours, appeler les flics, se barrer, enfin des trucs rationnels. Elles vont au conflit, elles pensent qu'elles peuvent rivaliser et puis bah, ça termine toujours très mal, quoi. Intéressant, ça. Non, mais je voulais dire, l'archétype féminin, non seulement dans ses actions, mais même dans son physique, c'est-à-dire l'archétype de la femme à grand écran, parce qu'on a eu Marilyn Monroe, Kim Basinger, vous voyez, quoi. Et je sais même pas ce qu'on a aujourd'hui, parce que... Est-ce qu'il y a encore un archétype ? Est-ce qu'il y a une femme qui crève l'écran aujourd'hui ? Je suis pas tout à fait convaincu. Scarlett Johansson, généralement, c'est elle qui est mise en avant. Oh, je trouve qu'elle s'est vraiment usurpée, d'autant plus usurpée qu'elle est à moitié juive. Elle a un nez protubérant. Natalie Portman. C'est moins choquant Portman parce qu'on peut pas dire qu'elle a des traits. Enfin, Johansson, elle a un tarin, ça. Enfin, je veux dire, c'est grotesque. Il faut arrêter. Quoi. Et encore, c'est sa moitié danoise qui la sauve. Mais Portman, c'est pas disgracieux. Je veux dire, elle n'a pas des traits disgracieux, quoi. Mais par contre, les juives. Et les juifs, en général, quand ils n'ont pas des traits juifs, ça ne se transmet pas. C'est-à-dire que les traits reviennent après. C'est très frappant, ça. C'est très, très frappant. La religion donne le terrain, donc. Oui, ça, c'est Gainsbourg, ça, effectivement. Mais je me demandais, c'est-à-dire que quel est l'archétype féminin ? C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment, mais je vois, par exemple... Alors ça, c'est pas vraiment dans les films, mais c'est à l'écran. Et ça, c'est les nègres, quoi. Ça, c'est terrible, parce qu'on n'en a pas parlé, je trouve. Mais c'est la négrification de tout. Et ça, c'est les États-Unis, quoi. Et la France se jette là-dedans la tête la première, parce qu'elle a elle-même ses propres raisons pour négrifier à plein tube. Mais c'est les énormes culs de guenons, quoi. Ce qui ne sont pas des trucs de blanc, hein. C'est les trucs sur les gros culs, c'est des trucs de nègres, hein. C'est des trucs de nègres, ça vient du Kafristan, ces trucs-là. Et ça envahit tout. Ça envahit tout, quoi. Et on est au niveau du primate, hein. On est au niveau du primate. Et on essaye de nous vendre ça comme étant quelque chose de sexy, quoi. Non, c'est bestial, oui. C'est pas sexy. Ouais, c'est vrai qu'avant, il y avait quand même des actrices comme Audrey Hepburn et avec Gardner, plein d'autres, dans les années 50, et même dans les études, tu parlais de Kim Basinger. C'était toutes, même si c'était pas toutes des mannequins, c'était toutes des femmes qui pouvaient être des modèles, parce que c'était des belles femmes. Et c'est des belles femmes qui prenaient soin d'elles, en fait. Et souvent, c'était des femmes qui étaient minces et qui étaient assez classiques, quand même, quoi. Et on a effectivement remplacé ça par des actrices déjà latino plus véritablement blanches, ouais, qui même si elles peuvent être classe à l'écran, ont des physiques qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous on avait, c'est-à-dire que ce sont des meufs qui sont épaisses, quoi. Elles ont des gros derches, elles ont des grosses cuisses, et moi je vois beaucoup ça dans la culture populaire internet. C'est que il y a un mot, y a le mot épais en anglais, c'est thick. Ouais. Et t'as beaucoup de dessins, t'as beaucoup de gens qui font, qui réclament, par exemple, sur les forums, des dessins de leur personnage favori, mais en version grosse fesse, gros cul, quoi. Moi, j'ai jamais compris le délire. Parce que moi, je traîne perso beaucoup sur 4chan, donc je vois pas mal de conneries. 4chan est une mine d'or pour les informations, mais aussi pour voir certains aspects de la société, hein, ce qui se trame, quoi. Et t'as cette déviance. Et moi, j'ai constaté aussi, par exemple, parmi les gens que je fréquentais, c'est-à-dire que normalement, les blancs, on est plus intéressés par les seins que par les fesses. Il y a un rapport au futur aussi dans l'appréciation de certaines parties du corps. En fait, il y a une qualité objective réelle de l'allaitement par rapport à la poitrine, alors que les fesses n'apportent rien. Ça, bien sûr, c'est assez européen comme conception des choses. C'est aussi pour ça qu'on est aussi attiré par ça, quoi. Pourquoi c'est quand même bizarre d'ailleurs quand on se pose la question, pourquoi est-ce que les hommes seraient particulièrement attirés par une poitrine ? Ça, c'est une question qui peut se poser, parce que dans la sexualité, on peut très bien s'en passer. C'est parce qu'il y a une finalité derrière. Mais comment dire ? Il y a aussi... c'est marrant, ça, mais c'est un peu différent, mais... Il y a des actrices, il y a quelques acteurs français qui essayent d'exister, enfin qui existent aux États-Unis, mais en fait ils n'existent pas. C'est une espèce de deal qui sont passés comme ça. Et donc il y a Jean Dujardin qui a eu son Oscar. Je vais pas m'éterniser sur lui, mais c'est un humoriste à la base. Pour moi, c'est pas un acteur. À moins d'avoir une conception vraiment très flexible d'acteur, mais c'est pas un acteur dramatique, par exemple. Son jeu me paraît comme très limité. Bon, alors, je pense que les gens vont dire, non, mais c'est 117, c'est marrant, etc. Oui, d'accord, mais normalement, un acteur, c'est beaucoup plus d'amplitude que ça, quand même. Ça ne me semble pas être le cas chez lui. Puis, il y a des trucs aussi qui me paraissent vraiment cringe, c'est Marion Cotillard, quoi. Moi, j'arrive pas, quoi. Ah, il y en a un autre aussi, c'est Lelouch. J'ai découvert qu'il était acteur, en fait, cet homme-là. Il a joué dans un film, une espèce de remake, mais à Marseille, de l'inspecteur Harry, en fait, où il reprend tout ce qu'on disait. Hein. Je veux dire, en gros, voilà, ils exploitent un filon. Mais ça le fait passer pour un beau gosse. Je dis le louche, hein, c'est ça. Ouais, le louche, je sais plus quoi. Enfin, c'est avec ça. Il a joué justement dans un film comique, bon, qui est pas ouf, mais bon, ça se regarde avec Jean Dujardin. Sur l'infidélité, où en fait ils essayent de faire passer Jean Dujardin en termes de beau gosse, c'est crédible, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Gilles Lelouch en termes de beau gosse, franchement, je ne suis pas une femme, mais c'est pas possible, il a un visage assez disgracieux, ce bonhomme, quoi. C'est pas possible, ça ne marche pas. Il force. Hein. Quoi. Puis en plus, c'est un sale con, en plus, quoi, tu vois. C'est un sale con, ce mec. C'est un sale con de juif de Paris, quoi. Il n'a rien à faire, quoi. Et bon, bref, voilà. Mais ça, c'est le cinéma français, mais le cinéma français, ça fait pas rêver, hein, je veux dire. Bon. Bah d'ailleurs, depuis le début de l'émission, bien sûr, parce qu'on a parlé des moyens de production. Les moyens de production, ils sont américains. Mais si on me demande c'est quoi les films qui ont marqué, je vais pas citer La Folie des Grandeurs, mais c'est un film qui m'a marqué quand j'étais gamin. Je vais vous citer Matrix. Il y avait un cinéma français, mais moi je pense qu'il y en a plus. Mais il y avait un cinéma français. Moi, je suis né fin des années 80, donc j'ai connu que les comédies en termes de grands films français, et ça s'arrête qu'à ce genre-là, quoi. Tout le reste, j'ai pas connu ça en tout cas. Bah, il y avait un vrai film, il y avait des films français, des grands films français, des bons films français, mais en fait, avec la séfaradisation du cinéma français, c'est terminé, quoi. Voilà. Maintenant, t'as des trucs intimistes à la con, subventionnés pour faire plaisir aux filles de la bourgeoisie ashkénaze, parisienne, en gros. Et puis quelques trucs copiés à l'américaine, où t'as Obélix qui est joué par Gilles Lelouch. Tu vois, Obélix, c'est un gros youtre. Bon, les juifs, ils en rigolent énormément, hein. Je veux dire, mais moi, je serais à leur place, j'en rigolerais autant, hein. Mais je veux dire, ils mec, ils rigolent. Allez, regardez les gars, allez, ils croient que j'ai un gaulois, les cons français, putain. Et en plus, ils me payent pour ça. Bah, les mecs, ils en rigolent. Ils s'en amusent énormément, hein, tu vois, à Shabbat. Ils en rigolent, hein, ils ont raison d'en rigoler. Hein. Ça fait mal, hein, ça fait mal quand même. Et puisqu'Alexis mettait cette référence-là en off, j'ai un collègue qui n'est pas de nationalité française et qui parle un peu français avec moi de temps en temps, parce que ça lui fait plaisir, qui me parlait d'un truc sur Netflix. Ah bah tiens, comment il s'appelle cette série-là où l'acteur français est connu, puis il me faisait chercher des noms d'acteurs français, puis je lui ai balancé les trucs connus. Puis à la fin, il a fait « Ah oui, Omar Sy !» Omar Sy Arsène Lupin. Ouais, non, mais ça, c'est terrible, quoi. Bah, Arsène Lupin, donc ça, c'est vrai. Alors, Arsène Lupin, déjà, c'est-à-dire que c'est français, à la base. Et plutôt que de faire un truc classe, sympa, je veux dire, qui peut un peu sauver la France à l'étranger, vous voyez ? Non ! On te met un gros nègre sur l'écran, tu vois, un putain de Sénégalais, là, tu vois, bah, on te le met sur ton écran, tu vois que les narines, tu vois, donc deux tunnels noirs, tu vois, t'as l'impression d'être braqué par une calibre 12, non mais t'as l'impression d'être braqué par une calibre 12, quoi, tu vois, et voilà, pendant des heures, et voilà, et les gens sont contents, enfin, soi-disant, pour la première saison, la deuxième, beaucoup moins, etc., bon, non mais faut arrêter, quoi, je veux dire, Non, mais le nègre sénégalais à la Belle Époque. On n'a pas parlé de ça, mais... C'est filou, quoi. Le nègre filou, quoi. Le nègre, ouais, le nègre là, malin. Arsène Lupin. Non, mais c'est, ouais, pas possible. Là, là. Le nègre malin que tu vois pas arriver. C'est dans la France de la Belle Époque, quoi. Je veux dire, bon, bref. Le truc qu'on touche pas du doigt, en fait, c'est la réécriture, pour le coup, des films historiques à coup de diversité. Enfin, Porot, on a un peu parlé, il a dit, voilà, dans les villages, on commence à mettre des métèques partout dans les trucs d'heroic fantasy. Mais même, je veux dire, maintenant, on arrive vraiment avec des films historiques sérieux où on te met des négresses, quoi, ou des nègres, quoi. Ça devient très difficile d'échapper à ce genre-là. Enfin, ça reste globalement préservé. Hein. Je ne vais pas être là en mode doom and gloom, mais... Ben, ça force, quoi. Ça force. Mais bon, c'est... Merlin noir. Ah ben, ça, c'est dans Kingsman. Ouais. Et moi, j'ai vu sur Netflix. Je suis pas abonné à Netflix, hein, je veux dire. C'est ma nana qui est abonnée et qui veut pas résilier son compte. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est honteux, hein, mais bon. Non, mais moi j'essaie de la, vous savez, hein, les femmes, hein, pour la faire entendre raison, c'est compliqué. Hein, c'est ouais, toute tu une vas histoire. Pas, tu vas pas faire couper ta femme de Netflix. Hein, ça va pas arriver, je te le dis tout de suite. C'est il est plus facile de leur faire entendre des voix que de leur faire entendre raison. C'est pas mal ça. Sur Netflix, vous savez, vous avez un large choix, vous avez un large choix de merde. Hein, et 99% du contenu, je peux même pas l'envisager en fait. Et ouais, moi j'avais vu un truc comme ça, ça parlait un peu à Merlin, etc. Vous savez, l'univers et tout. Ouais. Bon, ok, j'ai vu que dans. Au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte, ok, bon, ils n'ont pas de budget, mais ils essaient de faire des trucs. Je vais quand même essayer de me lancer. Et ils ont collé des noirs partout. Ah, voilà. J'ai vu l'univers de Merlin avec des noirs partout. Je fais, vas-y, on va te faire enculer avec tes noirs. Ouais, c'est un viol visuel. C'est-à-dire que comment veux-tu. Et c'est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est exactement comme quand tu prends le métro et qu'on te fout des nègres dans ton métro. On te hijack ton esprit, tu vois. On te dit non, mais tu vas vivre au milieu des nains, que ça te plaise ou pas, tu vois. C'est qu'on veut pas te laisser une minute de répit. Et jusque dans l'imaginaire, en fait, on va te dire non, mais en fait, depuis de tout temps, l'imaginaire arthurien, c'était une question de négro, en fait. Tu vois, t'étais pas au courant, mais c'est juste que t'étais mal informé. Et nous, on va te réexpliquer tout ça. Et tu vois, et c'est ça, en fait. On te hijack le truc. Et les blancs, en fait, ils ont parce que le nègre vit dans l'immédiat, hein, il vit dans le présent. Ok, lui, c'est simple, c'est on en a parlé un petit peu, c'est en gros un cul, pas une femme, hein, pas une femme dans sa totalité, hein, c'est juste un cul, de l'alcool et un genre de bruit de fond avec des beats. Tu vois, boum, boum, boum, boum, qui rappelle le rythme de la reproduction. Voilà, j'ai résumé la culture nègre depuis des millénaires. Il n'y a rien d'autre. Le twerk, quoi, le twerk. C'est ouais, ça. Ouais, avec un beat de fond et un pétard ou un verre d'alcool. Voilà. J'ai résumé toute la culture nègre. Alors évidemment, l'homme blanc, c'est un peu autre chose. Et on a besoin d'un imaginaire, si vous voulez. Parce qu'on a une machine, hein, qui est notre cerveau, et on l'utilise, on le fait fonctionner, ça tourne. Vous voyez, et il n'y a rien de plus insupportable pour un blanc que de n'avoir rien à faire avec son cerveau. Donc on a besoin d'un imaginaire. Le problème, c'est qu'on vient nous polluer notre imaginaire en nous faisant croire que les nègres ont autre chose en tête que ce que je viens de décrire. Et c'est insupportable, parce que non seulement on ment aux nègres, parce qu'on fait miroiter aux nègres ce qu'il n'est pas et ce qu'il n'a aucunement envie d'être, et nous, on vient nous faire chier avec des trucs dont on ne veut pas. Vous voyez, mais comme le blanc est idéaliste, on lui fait croire qu'il existe un nègre idéal. Ça, c'est le drame de toutes ces productions. On nous fait croire qu'il y a un nègre idéal, que ça existe quelque part, que Omar Sy dans les films, il existe en vrai. Simplement. Moi, je sais où ils sont les nègres idéaux. Dans les champs de canne à sucre. Non, mais c'est dramatique, parce que vraiment, surtout les femmes blanches, hein, bon, bref. Mais et croit que ça existe. Sauf qu'évidemment, non, il y a le nègre, bah, c'est toujours le même, quoi. C'est celui qu'on voit tout le temps, quoi, au coin de la rue. Tu vois, il est con, il a rien à dire. Voilà, au mieux, il fait du djembé, quoi. Voilà, quand tu pousses un peu, quoi. Tu vois. Et c'est tout, quoi. C'est tout de chez tout. Et voilà, ou Joe Star, imaginez, quoi. Imaginez que le nègre d'élite en France, c'est Joe Star. C'est ce qu'on a fait de mieux. C'est ce qu'on a fait de mieux. Normal, ouais, il est métis. Ouais. Voilà. Bah lui, voilà. Hein, bah, un peu le produit d'un autre film qui était le film La Haine, hein, de Kassovitz, de ce réalisateur qui est quand même très médiocre, de Kassovitz, quoi. Je veux dire, qui est très... Et en plus, il y a vraiment des réalisateurs qui ne devraient jamais s'exprimer en public, parce que quelque part sur un malentendu, enfin, quelque part en prenant certaines prises de vue avec une bonne photographie, etc., ils peuvent faire illusion, en tout cas un certain temps. Mais quand ils parlent, on se dit putain, c'est pas possible. Enfin, ok, en fait, il n'y a rien. En fait. Kassovitz, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que Kassovitz est un type, donc, en plus d'être juif, qui est foncièrement inintéressant et mesquin. Et qui prétend faire des films, quoi. Mais La Haine, combien de temps? C'est lui qui a joué dans le fameux. C'est lui qui a joué dans le fameux Amen que j'étais tout à l'heure. Je me souviens qu'ils avaient aussi nous le coller dans la comédie. Plutôt le drame, je ne sais pas trop comment le prononcer. Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est lui qui joue le rôle de l'amoureux. Jean-Pierre Jeunet, auquel on a quand même reproché ce film de flirter avec le vichisme. Alors que, à mon plus grand choc, il y avait un épicier maghrébin, ce qui m'a profondément déstabilisé. Oui, bien sûr. Dans la vie, qui est Jamel Debbouze. En fait, Jeunet essaie de te faire croire que le Paris éternel a toujours contenu des épiciers maghrébins, ce qui est quand même odieux déjà en soi. Et les gauchistes n'ont pas vu le même film que moi. Eux, ils ont vu un poster de Vichy, quoi. C'est un film qui a été vraiment reproché à ce mec-là. Alors, le succès populaire a sauvé Jeunet à l'international. Mais la critique en France l'a haï pour ce film. Vous pouvez taper, si vous voulez rigoler un peu sur YouTube, Amélie, donc c'est le nom en anglais qu'ils ont raccourci du film. Et vous mettez aussi Japanese tourist, ok. Et en fait, vous avez souvent des témoignages de touristes japonais qui viennent à Paris parce qu'ils s'imaginent en fait Montmartre, ça va être Sacré-Cœur, tout ça, des jolies fleurs, tout ce que vous voulez. Et après, ils arrivent. Donc généralement, ils prennent le métro, ils peuvent arriver à Barbès, ça dépend par où ils viennent. Oh, putain, par la vache. C'est sanglant là. Ah merde, Amélie Poulain, elle est où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, Montmartre, etc., on n'est pas loin du Bataclan et tout, et à côté du Bataclan, il y avait la fameuse mosquée où se retrouvaient tous les radicaux possibles et imaginables. Là, c'est Babel Oued, là. Parce que Paris, l'air de rien, c'est petit. C'est petit. Quand tu compares au Grand Londres, c'est extrêmement petit, Paris. C'est un quart de la surface. Ouais, c'est donc en fait, sans t'en rendre compte, tu fais quelques rues et tu te retrouves, tu passes des photos de cartes postales et au souk. Alors en plus avec Hidalgo, ça s'est pas amélioré, quoi. Mais tu passes d'Amélie le Poulain à Aimé le Poulet. Il y avait des gens, j'ai vu ça sur Twitter, je sais plus qui, mais qui disaient, ouais, mais pourquoi on fait pas un film un peu héroïque, à l'américaine, quoi, sur le Bataclan. Alors, ça serait une mauvaise idée, parce que les flics ont quand même mis 3 heures à intervenir. Je veux dire, l'histoire serait un peu escamotée, passablement, hein, parce que, je veux dire, si le film commence sur la même temporalité, déjà, tu sors de la salle avant qu'il soit passé quoi que ce soit, ils sont tous morts, en fait, hein, en gros. Mais c'est simple, tu peux pas faire un film sur le Bataclan parce que tous les bougnoules de France et de Navarre vont faire des émeutes. C'est tout. Et Libération, on va dire que c'est un film fasciste, etc. Peu importe ce que tu mets dans le film. Hein. Même si t'es, si t'inventes un flic arabe qui sauve tout le monde à la fin, ça sera un film fasciste de toute façon. Je veux dire. Donc jadis, c'était marrant, parce qu'il y avait une censure en France qui existait, notamment sous De Gaulle. Vous savez, il y avait une censure qui existait. Par exemple, le film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, a été interdit jusque très tard en France, qui était un film sur la Première Guerre mondiale, qui montrait le corps des officiers français avec ses hommes face à des soldats français qui vont se faire fusiller parce qu'ils sont accusés de lâcheté, en fait. Et c'est un film qui était considéré comme pacifiste et en fait antipatriotique, et qui peignait sous un mauvais jour l'armée française, en tout cas du point de vue des autorités françaises, et qui a été très longtemps interdit, hein, en France, quoi. Y a aussi un autre film qui a été interdit en France, c'est La Bataille d'Alger, qui a été interdit. Ça venait du haut, c'est ça que je veux dire. C'est une censure politique, il est de l'État. Maintenant, s'il devait y avoir une censure, elle viendrait du bas. Elle viendrait de la diversité, en fait. Vous voyez ? Ça me rappelle une autre censure, d'ailleurs, qui venait pas du bas, qui venait pas de l'État, mais qui venait d'au-dessus de l'État, en fait. C'est quand Mel Gibson a essayé de sortir son film La Passion du Christ. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a jamais un film qui a... Il y avait Jérusalem, ouais. On n'a jamais entendu un film... Enfin, il y avait vraiment, à l'époque, c'est-à-dire qu'à un moment... Enfin, on était en France, hein. Ok, je précise quand même. C'est-à-dire que là, tout d'un coup... Pour la première fois depuis très très très longtemps, on a entendu dans les grands médias des gens s'interroger sur l'opportunité ou pas d'interdire le film en France. Je veux dire, si ça ne fait réfléchir personne, je ne sais pas qui ça fera réfléchir. Vous voyez, je l'ai vu au cinéma d'ailleurs ce film-là. Et sur grand écran, il est très impressionnant, il faut quand même reconnaître. Les choix de Gibson m'ont paru très hollywoodien, malheureusement. Je trouve qu'il a mis beaucoup de sang qui n'était pas toujours justifié. Beaucoup trop de ralenti, moi, je trouvais. Ouais, c'était très hollywoodien dans la facture. Ceci étant dit, c'était quand même un film, je trouvais, qui était quand même marquant, quoi. Et qui se bornait strictement sur les écritures, hein, je veux dire... Gibson n'a pas innové, je veux dire, il a pris les évangiles, enfin, pas tous les évangiles, il a pris la passion et il l'a raconté, quoi. Et le truc qui est sidérant, c'est que, c'est là que j'ai découvert que mettre une partie des évangiles à l'écran, c'était antisémite, ce que j'ai complètement découvert à cette occasion-là, en fait. Donc, je n'étais pas très convaincu par la justification de la présence juive en France, mais j'étais encore moins convaincu par la justification de la présence juive en France. C'est vrai qu'Alexis me fait aussi remarquer en off que les Romains, ils ne sont pas spécialement présentés sur un très bon jour dans le film. Hein. Mais c'est pas ça qu'on retient, en fait. On retient forcément l'essentiel. La perfidie du juif, ouais, qui décide de libérer Barabbas, par exemple, cette scène où, en fait, Barabbas, quand même, comme ça, sort victorieux. Puis on voit tous ces nez suspects qui disent « Ah, on va quand même demander la mise à mort, quoi. » Bah, ça, c'est la condamnation de la démocratie. C'est ça. Oui, là, je veux dire, il y a une condamnation... Tu mets sur le même pied l'erreur et la vérité. Exactement. Et tu es criminel, là. De ce côté-là, tu vois, croyant ou pas, c'est un passage des évangiles qui est absolument... qui a une pertinence intemporelle. C'est-à-dire que c'est une magnifique condamnation de la démocratie qui se termine malheureusement par la mort du Christ. Mais je veux dire, c'est comme quoi, voilà. Alors, donc c'est pour ça que quand on entend des prêtres démocrates, sociodémocrates, gauchistes, comment dirais-je, comme Bergoglio là, et puis toute sa bande, t'as juste envie de vomir tes tripes, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, oui, mais... Alors, d'ailleurs, oui, vas-y. Je me souviens du pape de l'époque qui avait dit très sobrement « Oh, ça a dû se passer comme ça. » Parlons du film. C'était qui à l'époque ? C'était Benoît XVI ? Benoît XVI. Ouais, c'était Benoît XVI. Aussi expliquant cela. Autrichien, c'était pas un rouge italien d'Argentine. Il y a des intemporels comme ça. Désolé, je t'ai coupé. Non, pas du tout. Non, mais je voulais parler un peu de Gibson parce que justement, dans ce bouleversement du paysage hollywoodien, il y a quelques hommes qui font figure de môle de résistance dans une certaine mesure, enfin, autant qu'ils puissent l'être là-dedans. Effectivement, il y a Mel Gibson, quoi, qui fait généralement des bons films. Apocalypto, c'était ça, hein, son nom. Oh oui. Bien, le mieux, ouais. Apocalypto, qui était. Pareil, en termes d'esthétique, c'est assez puissant aussi. Moi, j'ai pas aimé le film du tout, mais en termes d'esthétique, c'est puissant. Ouais. Et Braveheart, alors ça, c'est un classique sur le thème héroïque. Mais qui est vraiment une réussite. Je veux dire, ça, c'est un film de Gibson qui restera, quoi. Braveheart, très clairement, c'est un film qui restera. Là, il maîtrise déjà très, très bien son sujet à Gibson, quoi. Ouais. C'est pas évident pour un acteur d'être acteur et ensuite de devenir réalisateur. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'acteurs qui essayent et qui échouent. Et je trouve que Gibson a réussi, quoi. Je pense qu'on peut pas. Clint Eastwood, dans le même genre, oui. Très bon acteur, voilà. Qui a fait une carrière absolument dingue en tant qu'acteur et qui a réussi la transition et qui a jamais baissé son froc, en fait. Hein. Et bah, étonnamment, des mecs de droite, en fait. Hein. Ah, voilà. C'est parce que c'est des mecs qui ont des choses à dire, en fait. Et qui, comme ils sont de droite, ils maîtrisent le langage traditionnel de la narration. Alors que. Des réalités. Si on s'en tient au strict plan historique, Braveheart, c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est pas du tout. Mais c'est un immense film. Ouais. C'est la preuve que quand on critique les films de ces saliutres, on les critique pas aussi seulement parce qu'ils véhiculent des messages de saliutres. on les critique aussi parce que ce sont des films de merde faits par des saliotres. Oui, c'est une nuance à apporter. Non, mais on peut pas. C'est-à-dire que quand on regarde un film, on peut pas demander à un réalisateur de faire un documentaire. C'est ça que je veux dire. C'est souvent risqué avec l'histoire parce qu'il y a une tendance. Moi, j'aime l'histoire, donc j'aime l'exactitude, mais j'aime aussi le mythe. Mais je n'aime pas. C'est vrai que j'aime assez peu le. J'aime soit qu'on fasse une histoire mythique, soit qu'on fasse un truc historique très très très précis, quitte à choisir même un point de vue. Mais j'aime pas qu'on s'arrange trop avec la vérité historique. Ça me gêne toujours un peu. Mais il y a des réalisateurs qui choisissent vraiment le. Voilà, le. Ils disent voilà, j'ai une caméra, je fais ce que je veux, quoi. J'écris l'histoire comme je veux, je la filme comme je veux, je la réécris si ça me chante. C'est ce que je veux faire à l'écran, c'est tout l'intérêt du cinéma. Bon, ça c'est des points de vue, quoi. Mais bon, eux ils ont réussi, quoi. Mais voilà, enfin, il y a des films comme ça que Gibson a fait qui sont vraiment des intemporels. Mais s'attaquer au Christ, c'est ambitieux. C'est-à-dire que quand t'arrives, tu appelles Gibson, t'es à Hollywood, tu veux faire un film sur le Christ, tu t'exposes énormément. Parce que les croyants, les chrétiens croyants, ils t'attendent au tournant. Il n'y a pas que les juifs qui t'attendent, je veux dire. Tout le monde t'attend. C'est-à-dire, comment va-t-il filmer? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et ça peut vraiment tourner au carnage, quoi. Et faut comprendre ça, c'est quand tu mets ton nom sur un film et que tu engages des sommes très importantes, tu mets ta carrière en jeu, hein. C'est-à-dire qu'un film comme ça, s'il tourne très très mal, pour toi c'est très très risqué. Et je trouve que Gibson a eu vraiment énormément de courage à le faire. Parce que ce film-là, il avait de très fortes chances d'échouer, en fait. Et il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Voilà. Mais ça a coulé la carrière de l'acteur qui a incarné Jésus. Ah, lui, ça l'a tué, ouais. Ouais. Ça l'a complètement flingué, ouais. Mais lui est croyant, il est très croyant, et c'est ça qui l'a fait tenir à flot, mais il a suscité énormément. Il avait joué dans La Ligne Rouge, d'ailleurs, cet acteur-là, avant. Il était l'acteur. Et Jim Caviezel. Ouais. Il a fait une grande série américaine aussi qui a duré 5 saisons, qui s'appelait The Machine, je crois, La Machine, en tout genre. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Ça, ouais. Enfin, et qui est une très bonne série d'anticipation et d'espionnage, et qui parle d'un ancien agent de la CIA. Un ancien agent de la CIA qui se retrouve à bosser pour un mec hyper riche et à lutter contre, bien sûr, des gouvernements et des entités un peu louches. Et ils sont aidés par un programme d'IA qui leur permet d'aider des gens random dans la rue. En même temps, on peut rester le spin de la série, enfin le thème profond de la série. Et c'est marrant, c'est que c'est un mec qui est proche de la fraternité Saint-Pédis, je crois. C'est vraiment un catholique pratiquant profond. Une tradition, oui. Oui. Ah oui, non, mais bien sûr, et c'est pas évident pour lui, parce que pour évoluer dans un milieu comme ça. Mais sur les films d'anticipation, alors il y avait Blade Runner, c'est un incontournable. Il y a eu, enfin, les années 80, c'est un grand moment de SF et de films d'anticipation. Hein. Et il y a eu un retour dans les années 2010, la fin des années 2010, il y a eu une tentation... Il y a des films qui sont bluffants, entre nous soit dit. Hein. Je veux dire, Alien, le premier Alien, qui n'est pas mon préféré, étonnamment, mais qui est mené d'une main de maître, hein, faut quand même avouer. Et qui, mais je trouve que donc Alien, Alien 2, Alien 3, qui est extraordinaire, il est filmé de manière... c'est vraiment... Genet a fait le quatrième, d'ailleurs. Ensuite, ça a dégénéré en truc vraiment très commercial, mais... c'est une franchise qui s'en est quand même globalement bien tirée. Le 2 est souvent critiqué. Je trouve que c'est un peu injuste. Oh, il est bien. Non, il est bien. Dans son montage court, il est bien. Dans sa version longue, c'est pas qu'il est nul, mais dans le montage court, il y a beaucoup plus d'intensité. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Eh oui, mec, mais on a un très bel été. Ta gueule, Hudson. Aucun mouvement? Rien de rien. Le bide. Où c'est que ma porte? Oh, Mais ce que je trouve que dans Alien, au moins 1 et 2, et dans le 3, bien sûr, c'est encore plus magnifié, c'est le côté angoissant, justement, de cette mainmise, de cette entité qu'on n'arrive pas bien à comprendre, qui n'est pas un État, mais qui est une entreprise, qui est la corporation qui contrôle tout. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit nous parler un petit peu, ça. C'est ce que je voulais dire, on a touché ça du doigt avec Captain, en début d'émission, c'est... dans tous les trucs d'anticipation, il y a une fusion en fait entre les grands groupes et l'État. Et dans Alien, c'est pas qu'il y a plus d'État, mais pratiquement plus d'État. Il y a des concessions. C'est un peu comme du temps du Far West en fait, quoi. Il y a des concessions, il y a des zones, des terres à découvrir, quoi. Et en fait, t'arrives sur place, t'établis ton truc et voilà. Cette compagnie gère des prisons, etc. Et du coup, pour le profit, est prêt à faire des trucs vraiment. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est un peu toute la trame d'Alien, en fait. La trame d'Alien, c'est ça. C'est-à-dire que la trame d'Alien, c'est bon, vous avez une entité qu'on découvre, enfin, un xénomorphe, comme on dit. Donc, il y a un xénomorphe. Et puis, vous avez cette énorme compagnie qui veut faire du profit, qui dit, mais avec ça, on pourrait faire de l'armement biologique, et faut absolument qu'on en ramène sur Terre, quoi. Et là, il y a Ripley, quoi, qui est au milieu, et qui dit non, vous ne vous rendez pas compte, et tout, quoi. Et il y a notamment, à un moment donné, dans le 2, quand Ripley est récupéré, alors qu'elle dérive dans l'espace et qu'elle est récupérée par une station spatiale, elle rencontre des responsables de la compagnie, elle raconte ce qu'elle a vécu donc dans le 1, et je trouve que cette scène-là de la réunion est vraiment réussie, il y a une froideur, et dans la version française, parce que j'ai visionné la version en anglais et la version en français, le doublage est très bien fait dans Alien 2, le doublage français est très très bien fait, il est supérieur, c'est rare, hein. Il est supérieur à la version anglaise, donc la version originale. Et dans la réunion, il y a une vraie tension qui transparaît, et il y a cette froideur du groupe en question, là, qui, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, et qui est assez parlant, et pour moi, qu'on pourrait retrouver, qu'on retrouve même sans problème de nos jours, quoi. Voilà, hein, toute ressemblance avec des choses que nous pourrions connaître actuellement étant bien sûr par ailleurs totalement fortuite. Mais je voulais en parler un peu de ça. Ça m'avait beaucoup touché. Alors d'ailleurs, quelque chose de très, très intéressant dans Alien, le personnage féminin. Alors quelque part, ça a été un peu l'archétype des personnages de femmes fortes et indépendantes qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui fait que, confrontée à l'alien, elle se retrouve dans le même état d'infériorité physique que les hommes, l'oblige à utiliser des ressources qui sont certes des ressources d'hommes en général, mais des ressources de femmes, à savoir son intelligence, sa prudence, son anticipation. Il n'y a que dans Alien 4 où Ripley se retrouve dotée d'une force surhumaine, mais c'est à la suite d'une manipulation génétique qui accessoirement la rend un peu timbrée. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que dans Alien, où on a un des premiers prototypes de femmes fortes, on reste paradoxalement dans un schéma où la femme ne s'écarte pas tant que ça de son rôle, on va dire, normal, naturel. Bah, en fait, dans Alien, ça m'a pas choqué de voir... en fait, Sigourney Weaver joue formidablement bien, c'est une très grande actrice, mais ça m'a pas choqué. Ça ne me choque toujours pas. Pour les raisons que tu expliques très bien, en fait, et aussi, quelque part, elle est forte en ce sens qu'elle est déterminée. Et il y a des femmes qui sont déterminées comme ça. Il y a des femmes déterminées, ça... c'est pas courant, mais il y a vraiment des femmes qui ont la tête dure, quoi. Et elle est dans un rôle conservateur en plus. C'est-à-dire, elle protège sa maison, elle son vaisseau, elle est tout le temps dans ce rôle qui est un peu l'archétype, ouais, de la mégère, presque. Ouais, ouais. Peut-être pas de la mégère, mais quand même de la mère protectrice, quoi. Mais elle a quand même ses faiblesses. C'est bien mis en. C'est subtilement souligné, je trouve. Les faiblesses psychologiques d'une femme, parce qu'elle n'est pas en acier non plus, quoi. Et notamment le rapport à son chat, d'ailleurs. Qui, qui, qui, qui, qui, qui est un peu le sas de décompression, en fait. C'est un des rares moments où elle peut laisser libre cours, en fait, à ce qu'elle vit intérieurement. Parce qu'autrement, c'est une femme qui... Parce qu'en fait, c'est ça qu'on découvre, en fait. Déjà, c'est une capitaine de vaisseau. À la base, une capitaine de vaisseau dans un univers qu'on voit très masculin, on sent que c'est pas évident. Comme aujourd'hui, une femme marin, quoi. On imagine le truc. Mais après l'expérience d'Alien 1, elle est marquée. Il y a que le moment avec son chat où ça s'exprime vraiment et où elle a, en fait, on voit sa faiblesse de femme qui a libre cours, quoi. Mais quelque part, et ça arrive, elle avertit les hommes sur le danger. Vous voyez, elle a la finesse elle a cette finesse de sentir le danger. Et ça existe. Il y a des femmes qui savent sentir le danger pour avertir les hommes. Et les hommes... Jeanne d'Arc. Oui, mais les hommes sont lourds, hein, et les hommes ne voient pas. Et ils font sa tête la première, parce que, vous voyez, on a envie de montrer un peu des muscles, quoi. Et ça existe, je veux dire, c'est rien à faire. Je trouve que il est vraiment bien mené, quoi. Ça, c'est une franchise qui est vraiment très bien menée. Et comment faire de la SF et du grand public et en même temps de parler de choses profondes, quand même, quoi. Ça sent pas le plastique, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Moi, j'aime aussi les divertissements où il n'y a pas à réfléchir, hein, je veux dire. Hein. Pas de problème, hein, j'aime ça aussi, bien sûr. Hein. Mais souvent, les films de SF projettent, en fait. Bah comme Blade Runner, évidemment. Le premier est un grand film. J'ai pas eu le plaisir de voir le deuxième. Je sais pas qui l'a regardé. Qui a visionné le deuxième, le second? Moi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fulbert? Parce que je sais que tu aimes beaucoup Blade Runner, le premier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Autant j'ai apprécié le premier, autant le second m'a laissé indifférent. Voilà. Il s'est rien passé, l'histoire ne fonctionne pas. Non, ils essayent, grosso modo, c'est comme ça que je l'ai perçu, ils essayent d'expliquer la fin un peu, comment dirais-je, un peu sous forme de questions. Vous savez, le Blade Runner 1 se termine, il y a deux versions. Il y a la version où le couple disparaît, s'enfuit, et à la version où ils prennent l'ascenseur et le film s'arrête là. En fait, le second essaye d'expliquer pourquoi la version 1 ne se termine pas, n'a pas une fin très nette, quoi, simplement. Mais c'est un peu tourné en bourrique, c'est d'un grand classicisme, d'une explication presque téléphonée, et voilà, quoi. Pas conquis, d'accord. C'est intéressant. Comme quoi, tu vois, quand ils essayent de reprendre, ça marche pas forcément s'il n'y a pas la patte, quoi. S'il n'y a pas la patte. D'ailleurs, oui, le film n'a pas fonctionné, pour autant que je le sache. Je n'ai pas mémoire des résultats au box-office. J'aimerais bien faire un petit parallèle. C'est que Blade Runner 2045 est au Blade Runner original ce que 2010 était en 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est à peu près la même chose. Pourquoi 2010, il y avait quoi en 2010? Je te donnerai exactement la même explication que pour Blade Runner 2045. Ouais, c'est une tentative d'explication de la fin. Vous savez, 2001 se termine bizarrement, on se pose des questions, chacun interprète à sa façon. C'est pareil pour 2001. Et 2010 tente de donner, comme je l'ai dit Blade Runner 2045, tente de donner une explication, mais qui est complètement berlificotée. Après, c'est intéressant de voir que la Chine maintenant pose des interdits sur certaines diffusions, parce que ça heurte leurs valeurs culturelles, qui ont été jusqu'à pas si longtemps les nôtres aussi. Et là, il y a un vrai problème de marché, quoi. Et on va vers une guerre, une guerre froide, au moins froide, à caractère économique, mais aussi une guerre culturelle. Et je pense que le wokisme fait face à une impasse, parce que là, de plus en plus souvent, la Chine dit « si vous faites ça, le film est interdit en Chine ». Alors, pour une grande production, ne pas être diffusé en Chine, c'est s'interdire un public énorme, hein. Donc des rentrées énormes. Je pense qu'ils vont essayer de dire « non, mais il faut vraiment y aller à bloc ». Faut vraiment montrer qu'on est sur des valeurs progressistes, alors à bloc, diversité, féministe, truc. Et la Chine va dire, bah non, désolé, nous on veut pas. Mais la Chine n'a pas la force de frappe culturelle des États-Unis. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais maintenant, on a un vrai contrepoids à la folie gauchiste et wokiste. Donc, on pourrait avoir de bonnes surprises à ce niveau-là, où on arrête où ça s'arrête, quoi. Enfin, ça s'arrête. Non, là, c'est un peu optimiste. Et où ça se ralentit, disons. Les élites américaines décident de ralentir un petit peu sur tout ce qui est, si c'est possible, wokisme radical. À mon avis, c'est possible parce que, contrairement à une idée reçue, en fait, quand les élites, si les élites américaines décident d'en finir avec le wokisme, ça s'arrêterait. Grosso modo, c'est comme Black Lives Matter, quoi. C'est à partir du moment où on arrête les fonds. Vous entendez parler de Black Lives Matter au moment où vous les voyez manifester quelque part? Non. Bon, c'est normal, le Parti démocrate a dit que c'était terminé. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà, c'est, si les élites américaines décident que c'est peut-être pas de bon ton, peut-être qu'on aura des films un peu moins infâmes qui viendront d'Amérique, je ne sais pas. Lisez des livres. Ah aussi, oui. Et c'est... particulièrement, lisez La planète des singes, livre fait par un Français qui a inspiré les films du même nom. Et vous y trouverez l'explication de la substitution comme maître du monde des singes aux hommes en raison de la paresse des hommes habitués à se servir des singes à leur place. Toute métaphore négrophile serait purement fortuite. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.